Premier livre des Maccabées. Après qu'Alexandre, fils de Philippe, le Macédonien, qui régna d'abord sur la Grèce, fut sorti du pays de Sétime et eut battu Darius, roi des Perses et des Médèses, il livra plusieurs batailles, il prit les forteresses de tous, tua les rois de la terre, passa jusqu'à l'extrémité de la terre et s'empara des dépouilles d'une multitude de nations, et la terre se tut en sa présence. Il assembla des forces et une armée très puissante, et son cœur s'éleva et s'enfla. Il se rendit maître des territoires, des peuples et des souverains, et ils devinrent ses tributaires. Après cela, il s'alita, et il reconnut qu'il allait mourir. Et il appela les grands de sa cour, qui avaient été nourris avec lui dès leur jeunesse, et il leur partagea son royaume tandis qu'il vivait encore. Alexandre régna 12 ans, et il mourut. Et ses serviteurs entrèrent en possession du royaume, chacun dans sa région. Ils prirent tous le diadème après sa mort, et leurs enfants après eux pendant de nombreuses années, et les maux se multiplièrent sur la terre. Et d'eux sortit une racine du péché, Antiochus l'illustre, fils du roi Antiochus qui avait été otage à Rome, et il régna la 137e année du règne des Grecs. En ces jours-là, il sortit d'Israël des enfants d'iniquité, qui en séduisirent plusieurs en disant « Allons, et faisons alliance avec les nations qui nous environnent, car depuis que nous nous sommes retirés d'elles, beaucoup de maux nous ont atteints. » Et cette parole parut bonne à leurs yeux. Quelques-uns du peuple furent députés et allèrent trouver le roi, et il leur donna le pouvoir de vivre selon les lois des gentils. Et ils bâtirent un gymnase à Jérusalem à la manière des nations. Ils dissimulèrent leur circoncision, se séparèrent de l'Alliance Sainte et se joignirent aux nations, et ils se vendirent pour faire le mal. Antiochus, s'étant affermi dans son royaume, commença à vouloir régner dans le pays d'Égypte pour être roi des deux royaumes. Et il entra en Égypte avec une puissante armée, avec des chars, des éléphants, des cavaliers et un grand nombre de vaisseaux. Et il fit la guerre à Ptolémée, roi d'Égypte. Et Ptolémée eut peur devant lui et s'enfuit, et beaucoup des siens tombèrent frappés. Antiochus prit les villes fortes dans le pays d'Égypte et s'empara des dépouilles du pays d'Égypte. Antiochus revint, après avoir frappé l'Égypte, en la 143e année, et il monta contre Israël. Il monta à Jérusalem avec une puissante armée. Il entra dans le lieu saint avec orgueil, et il prit l'autel d'or, le chandelier lumineux avec tous ses vases, la table de proposition, les bassins à libation, les coupes, les encensoirs d'or, le voile, les couronnes et l'ornement d'or qui étaient devant le temple, et il brisa tout. Il prit aussi l'argent, l'or et les vases précieux. Il prit aussi les trésors cachés qu'il trouva, et après avoir tout enlevé, il s'en alla dans son pays. Il fit un carnage d'hommes, et il parla avec un grand orgueil. Alors, il y eut un grand deuil en Israël et dans toute sa contrée. Les princes et les anciens gémirent, les vierges et les jeunes hommes furent dans l'abattement, et la beauté des femmes disparut. Tous les maris se livrèrent aux lamentations, et celles qui étaient assises sur le lit nuptial pleuraient. Le pays trembla pour ses habitants, et toute la maison de Jacob fut revêtue de confusion. Et après 2 ans révolus, le roi envoya dans les villes de Juda un surintendant des tribus qui vint à Jérusalem avec une grande suite. Il leur adressa astucieusement des paroles de paix et ils le crurent. Puis il se jeta tout à coup sur la ville, et il la frappa d'une grande plaie, et il fit périr un peuple nombreux dans Israël. Il s'empara des dépouilles de la ville et la brûla par le feu. Il en détruisit les maisons et les murs qui l'environnaient. Ils emmenèrent aussi les femmes captives, et ils se rendirent maîtres des enfants et des troupeaux. Et ils fortifièrent la ville de David avec une muraille grande et solide, et des tours solides, et ils en firent une forteresse. Ils y mirent une race de péchés, des hommes méchants, et ils s'y établirent puissamment. Ils y apportèrent des armes et des vivres, et ils y rassemblèrent les dépouilles de Jérusalem, qu'ils y mirent en réserve, et ils devinrent un grand piège. Et cela fut une embûche pour le sanctuaire, et un mauvais démon pour Israël. Et ils répandirent le sang innocent autour du sanctuaire, et ils souillèrent le sanctuaire. Les habitants de Jérusalem s'enfuirent à cause d'eux. Elle devint la demeure des étrangers, et elle fut étrangère à sa propre race, et ses enfants l'abandonnèrent. Son sanctuaire fut désolé, comme une solitude. Ses jours de fête se changèrent en pleurs, ses sabbats en opprobre, et ses honneurs furent anéantis. Son ignominie se multiplia à l'égal de sa gloire, et son élévation se changea en deuil. Alors le roi Antiochus écrivit à tout son royaume, afin que tous ne fissent qu'un seul peuple, et que chacun abandonnât sa loi particulière. Toutes les nations consentirent à cet ordre du roi Antiochus, et beaucoup en Israël consentirent à cette servitude, sacrifièrent aux idoles et violèrent le sabbat. Et le roi envoya des lettres, par des messagers, à Jérusalem et à toutes les villes de Juda, afin qu'on y suivît les lois des nations de la terre, qu'on empêchât d'offrir dans le temple de Dieu des holocaustes, des sacrifices et des oblations expiatoires, et qu'on empêchât de célébrer le sabbat et les fêtes solennelles. Et il ordonna qu'on souillât les choses saintes et le saint peuple d'Israël. Et il ordonna qu'on bâtît des autels et des temples, et qu'on dressât des idoles, et qu'on sacrifia la chair des pourceaux et des animaux impurs, qu'on laissa les enfants mâles incirconcis, et qu'on souilla leurs âmes par toutes sortes d'impuretés et d'abominations, de sorte qu'ils oubliassent la loi et qu'ils renversassent toutes les ordonnances de Dieu. Et si quelqu'un n'obéissait pas selon la parole du roi Antiochus, il devait mourir. Il écrivit à tout son royaume conformément à tous ces détails, et il établit des chefs sur le peuple pour le contraindre d'agir ainsi. Et ils ordonnèrent aux villes de Juda de sacrifier. Et beaucoup d'entre le peuple se joignirent à ceux qui avaient abandonné la loi du Seigneur, et ils firent le mal dans le pays. Et ils dispersèrent le peuple d'Israël dans des lieux écartés et en des endroits où des fugitifs pouvaient se cacher. Le 15e jour du mois de Casleu, en la 145e année, le roi Antiochus dressa l'abominable idole de la désolation sur l'autel de Dieu. Et on bâtit des autels dans toutes les villes de Juda aux alentours. Et on brûlait de l'encens, et on sacrifiait devant les portes des maisons et dans les rues. Et on brûla dans le feu les livres de la loi de Dieu après les avoir déchirés. Et si l'on trouvait chez quelqu'un les livres de l'alliance du Seigneur, et si quelqu'un observait la loi du Seigneur, on l'égorgeait selon l'édit du roi. C'est ainsi qu'ils traitaient dans leur puissance le peuple d'Israël qui se trouvait chaque mois dans les villes. Et le 25e jour du mois, ils sacrifiaient sur l'autel qui était vis-à-vis de l'autel du Seigneur. Les femmes qui avaient circoncis leurs fils étaient égorgées, selon l'ordre du roi Antiochus. On pendait les enfants par le cou dans toutes leurs maisons, et on égorgeait ceux qui les avaient circoncis. Alors des hommes nombreux du peuple d'Israël résolurent en eux-mêmes de ne rien manger d'impur, et ils préférèrent mourir plutôt que de se souiller par des mets impurs. Et ils ne voulurent pas violer la loi sainte de Dieu, et ils furent égorgés. Et une très grande colère tomba sur le peuple. En ces jours-là, Mattathias, fils de Jean, fils de Simon, prêtre d'entre les fils de Joarib de Jérusalem, se leva et habita sur la montagne de Modin. Il avait 5 fils, Jean, surnommé Gadis, Simon, surnommé Tasi, Judas, appelé Maccabée, Éléazar, surnommé Abaron, et Jonathan, surnommé Affus. Ils virent les maux qui se faisaient parmi le peuple de Juda et dans Jérusalem, et Mattathias dit « Malheur à moi ! Pourquoi suis-je né pour voir l'affliction de mon peuple et l'affliction de la ville sainte, et pour demeurer là tandis qu'elle est livrée aux mains de ses ennemis ? Les choses saintes sont entre les mains des étrangers, son temple est comme un homme infâme. Les vases de sa gloire ont été emportés en captivité. Ses vieillards ont été égorgés dans les rues et ses jeunes hommes sont tombés sous le glaive des ennemis. Quelle nation n'a point hérité de son royaume et n'a pas obtenu de ses dépouilles ? Toute sa magnificence a été enlevée, celle qui était libre est devenue esclave. Et voici que tout ce que nous avions de saint, de beau et d'éclatant a été désolé, et les nations l'ont profané. Pourquoi donc vivons-nous encore ? Alors Mattathias et ses fils déchirèrent leurs vêtements, ils se couvrirent de cilice et furent dans un grand deuil. Ceux que le roi Antiochus avait envoyés vinrent là pour contraindre ceux qui s'étaient réfugiés dans la ville de Modin de sacrifier et de brûler de l'encens et d'abandonner la loi de Dieu. Et beaucoup du peuple d'Israël y consentirent et se joignirent à eux. Mais Mattathias et ses fils demeurèrent fermes. Et ceux qui avaient été envoyés par Antiochus, prenant la parole, dirent à Mattathias, « Tu es le premier, le plus considéré et le plus grand de cette ville, et entouré de tes fils et de tes frères. Viens donc le premier, et exécute l'ordre du roi, comme ont fait toutes les nations, et les hommes de Juda, et ceux qui sont demeurés dans Jérusalem. Et tu seras avec tes fils parmi les amis du roi, et comblé d'or et d'argent, et de présents nombreux. » Mattathias répondit, et dit à haute voix, « Quand toutes les nations obéiraient au roi Antiochus, de sorte que chacun abandonnerait la loi de ses pères et se soumettrait à ses ordres, moi et mes fils et mes frères, nous obéirons à la loi de nos pères. Que Dieu nous soit propice. Il ne nous est pas utile d'abandonner la loi et les ordres de Dieu. Nous n'écouterons pas les paroles du roi Antiochus et nous ne sacrifierons pas, violant les commandements de notre loi, pour aller dans une autre voie. » Comme il cessait de parler, un juif s'avança aux yeux de tous pour sacrifier aux idoles sur l'autel dans la ville de Modin selon l'ordre du roi. Mattathias le vit et fut saisi de douleur. Ses entrailles en furent émues et sa fureur s'enflamma selon l'esprit de la loi. Et s'élançant, il tua cet homme sur l'autel. Il tua aussi en même temps l'homme que le roi Antiochus avait envoyé et qu'il forçait à sacrifier, et il détruisit l'autel. Et il fut transporté de zèle pour la loi, comme l'avait été Phinès envers Zamri, fils de Salomi. Alors Mattathias cria à haute voix dans la ville, « Que quiconque est zélé pour la loi et veut maintenir l'alliance me suive !» Et il s'enfuit avec ses fils dans les montagnes, et ils abandonnèrent tout ce qu'ils avaient dans la ville. Alors un grand nombre, qui cherchaient la loi et la justice, descendirent dans le désert, et ils y demeurèrent, eux, leurs fils et leurs femmes, et leurs troupeaux, parce qu'ils étaient accablés de maux. Il fut annoncé aux hommes du roi et à l'armée qui était à Jérusalem, la ville de David, que quelques hommes qui avaient transgressé l'ordre du roi s'étaient retirés dans les lieux cachés du désert et que beaucoup les avaient suivis. Aussitôt, ils marchèrent à eux et se préparèrent à les attaquer le jour du sabbat. Et ils leur dirent, « Résisterez-vous encore maintenant ? Sortez et agissez selon la parole du roi Antiochus et vous vivrez. » Ils répondirent, « Nous ne sortirons pas et nous n'accomplirons pas l'ordre du roi en violant le jour du sabbat. » Ils engagèrent donc contre eux le combat. Et ils ne leur répondirent pas et ne jetèrent pas une seule pierre contre eux et ils ne fermèrent pas leur retraite disant, « Mourons tous dans notre simplicité. » Et le ciel et la terre seront témoins que vous nous faites mourir injustement. » Et ils leur firent la guerre au jour de sabbat, et ils moururent, eux, leurs femmes et leurs enfants et leurs troupeaux, au nombre d'environ 1000 personnes. Mattathias et ses amis l'apprirent, et ils furent dans un grand deuil à leur sujet. et ils se dirent les uns aux autres, « Si nous faisons tous comme ont fait nos frères, et si nous ne combattons pas contre les nations pour notre vie et pour nos lois, ils nous extermineront bientôt du pays. » Ils prirent donc ce jour-là cette résolution. « Qui que ce soit qui vienne contre nous pour le combat le jour du sabbat, combattons contre lui, et nous ne mourrons pas tous, comme nos frères sont morts dans leur retraite. » Alors se joignit à eux l'assemblée des Assidéens, qui étaient des plus vaillants d'Israël, tous attachés à la loi. Et tous ceux qui fuyaient devant les calamités s'unirent à eux et leur furent un renfort. Ils formèrent une armée, et ils frappèrent les pécheurs dans leur colère et les hommes iniques dans leur indignation, et ceux qui échappèrent s'enfuirent chez les nations pour se sauver. Et Matathias alla partout avec ses amis, et ils détruisirent les autels, et ils circoncirent les enfants incirconcis autant qu'ils trouvèrent sur le territoire d'Israël, et ils agirent avec vigueur. Ils poursuivirent les enfants d'orgueil, et l'entreprise réussit entre leurs mains. Ils délivrèrent la loi des mains des nations et des mains des rois, et ils ne donnèrent pas de puissance aux pécheurs. Or, le jour de la mort de Matathias s'approcha, et il dit à ses fils, « L'orgueil s'est maintenant affermi, et c'est le temps du châtiment et de la ruine, de la colère et de l'indignation. Maintenant donc, ô mes fils, soyez des zélateurs de la loi, et donnez vos vies pour l'alliance de vos pères. Souvenez-vous des œuvres de vos pères, qu'ils ont accomplies dans leur génération, et vous recevrez une grande gloire et un nom éternel. Abraham n'a-t-il pas été trouvé fidèle dans la tentation, et cela ne lui a-t-il pas été imputé à justice? Joseph, au temps de son angoisse, a gardé le commandement, et il est devenu le seigneur de l'Égypte. Phinès, notre père, est brûlant de zèle pour Dieu, a reçu l'alliance d'un sacerdoce éternel. Josué, en accomplissant la parole, est devenu chef en Israël. Caleb, en rendant témoignage dans l'assemblée, a reçu un héritage. David, par sa douceur, s'est acquis à jamais le trône royal. Élie, en brûlant de zèle pour la loi, a été enlevé dans le ciel. Ananias, Azarias et Misaël, par leur foi, ont été délivrés des flammes. Daniel, par sa simplicité, a été délivré de la gueule des lions. Considérez ainsi, de génération en génération, que tous ceux qui espèrent en Dieu ne s'affaiblissent pas. Ne craignez point les paroles de l'homme pécheur, car sa gloire n'est qu'ordure et pâture des vers. Aujourd'hui, il est élevé, et demain, on ne le trouvera plus, parce qu'il sera retourné dans son limon, et ses pensées auront péri. Vous donc, mes fils, prenez courage, et agissez virilement pour la loi, parce que c'est par elle que vous serez glorieux. Voici Simon, votre frère. Je sais qu'il est homme de conseil, écoutez-le toujours, et il sera pour vous un père. Judas Maccabée a été fort et vaillant dès sa jeunesse, qu'il soit le chef de votre armée, et qu'il conduise le peuple au combat. Vous joindrez à vous tous les observateurs de la loi, et vengez votre peuple de ses ennemis. Rendez aux nations ce qu'elles méritent et soyez attentifs aux préceptes de la loi. » Puis il les bénit et fut réuni à ses pères. Il mourut la 146e année et fut enseveli par ses fils dans le sépulcre de ses pères à Modin, et tout Israël le pleura et fit un grand deuil. Alors Judas, son fils, surnommé Maccabée, se leva à sa place, et tous ses frères l'aidaient, avec tous ceux qui s'étaient joints à son père, et il combattait avec joie les combats d'Israël. Il accrut la gloire de son peuple. Il se revêtit de la cuirasse comme un géant. Il se ceignit de ses armes guerrières dans les combats, et il protégeait le camp avec son épée. Il devint semblable à un lion dans ses actes et à un lionceau qui rugit à la chasse. Il poursuivit les méchants, les cherchant de tous côtés, et il fit brûler dans les flammes ceux qui troublaient son peuple. Ses ennemis se retirèrent par crainte de lui, tous les ouvriers d'iniquité furent épouvantés, et sa main dirigea le salut. Il irritait des rois nombreux, et il réjouissait Jacob par ses œuvres, et sa mémoire est à jamais en bénédiction. Il parcourut les villes de Juda, et il en fit disparaître les impies, et il détourna la colère de dessus Israël. Il devint célèbre jusqu'aux extrémités de la terre, et il rassembla ceux qui allaient périr. Alors Apollonius assembla les nations et leva de Samarie une grande et puissante armée pour combattre contre Israël. Juda la prit et marcha à sa rencontre, le défit et le tua. Et beaucoup des ennemis tombèrent frappés et le reste s'enfuit. Juda s'empara de leurs dépouilles et prit l'épée d'Apollonius, et ils s'en servaient tous les jours pour combattre. Séron, chef de l'armée de Syrie, apprit que Juda avait réuni auprès de lui une troupe de fidèles et une assemblée. Et il dit « Je me ferai un nom, et je serai glorifié dans le royaume, et je vaincrai Juda et ceux qui sont avec lui, qui méprisent la parole du roi. » Il se prépara donc, et avec lui monta l'armée des impies, puissants auxiliaires pour se venger des enfants d'Israël. Ils s'avancèrent jusqu'à Bétoron, et Juda vint au-devant d'eux avec un petit nombre d'hommes. Mais dès que ceux-ci virent l'armée qui marchait contre eux, ils dirent à Juda, « Comment pourrons-nous, si peu nombreux, combattre contre une multitude si grande et si forte, fatiguée que nous sommes par le jeûne d'aujourd'hui ?» Et Juda dit, « Il est facile qu'une multitude soit enfermée entre les mains d'un petit nombre, et il n'y a pas de différence devant le Dieu du ciel de sauver par un grand et par un petit nombre, car la victoire à la guerre n'est pas dans la grandeur des armées, mais c'est du ciel que vient la force. Eux, ils arrivent à nous avec une multitude insolente et avec orgueil pour nous perdre, nous et nos femmes et nos enfants, et pour nous dépouiller. Mais nous, nous combattrons pour nos vies et pour nos lois, et le Seigneur les brisera lui-même devant nous. Vous donc, ne les craignez pas. » Dès qu'il eut cessé de parler, il s'élança aussitôt sur eux, et Séron fut écrasé devant lui avec toute son armée. Juda le poursuivit à la descente de Bétoron jusqu'à la plaine, et 800 hommes d'entre eux furent tués. Mais le reste s'enfuit dans le pays des Philistins. Alors, la terreur de Juda et de ses frères et l'effroi fondirent sur toutes les nations d'alentour. Son nom parvint jusqu'au roi, et toutes les nations racontaient les combats de Juda. Lors donc que le roi Antiochus eut reçu ces nouvelles, il s'irrita dans son cœur. Et il envoya rassembler des troupes dans tout son royaume, une armée très forte. Et il ouvrit son trésor, donna à l'armée la solde d'un an et leur commanda d'être prête à tout. Mais il vit que l'argent manquait dans ses trésors et que les tributs de la contrée étaient faibles à cause des troubles et des maux qu'il avait faits dans le pays en lui ôtant les lois qu'il possédait depuis les anciens jours. Et il craignit de n'avoir pas de quoi fournir, comme autrefois, aux dépenses et aux libéralités qu'il avait faites d'une main large, car il avait été généreux plus que tous les rois qui l'avaient précédé. Il fut donc dans une grande consternation, et il résolut d'aller en Perse pour recevoir les tributs des peuples et amasser beaucoup d'argent. Il laissa Lysias, homme noble de la race royale, pour pourvoir aux affaires du royaume, depuis le fleuve de l'Euphrate jusqu'au fleuve de l'Égypte, et pour s'occuper de l'éducation de son fils Antiochus jusqu'à ce qu'il revînt. Il lui livra la moitié de l'armée et les éléphants, et il lui donna ses ordres pour tout ce qu'il voulait, et au sujet des habitants de la Judée et de Jérusalem, lui commandant d'envoyer une armée contre eux pour écraser et exterminer la puissance d'Israël et les restes de Jérusalem, et pour effacer de ce lieu leur souvenir, d'établir des fils d'étrangers sur tout leur territoire pour l'habiter et de distribuer au sort leurs terres. Le roi prit la partie de l'armée qui restait, partit d'Antioche, capitale de son royaume, en la 147e année, passa le fleuve de l'Euphrate et traversa les régions supérieures. Lysias choisit Ptolémée, fils de Doriminus, Nicanor et Gorgias, hommes puissants parmi les amis du roi. Et il envoya avec eux 40 000 hommes et 7 000 cavaliers pour entrer dans le pays de Juda et le ruiner selon l'ordre du roi. Ils s'avancèrent donc avec toutes leurs troupes et vinrent camper près d'Emmaüs dans la région de la plaine. Les marchands des pays voisins apprirent leur arrivée, prirent une grande quantité d'or et d'argent et des serviteurs et vinrent au camp pour acheter les enfants d'Israël comme esclaves. Et les armées de Syrie et des pays étrangers se joignirent à eux. Juda et ses frères virent que les maux s'étaient multipliés et que les armées s'approchaient de leurs frontières. Ils connurent aussi l'ordre que le roi avait donné de perdre le peuple et de l'exterminer. Et ils se dirent les uns aux autres, « Relevons l'humiliation de notre peuple et combattons pour notre peuple et pour nos choses saintes. » Ils s'assemblèrent donc pour se préparer à combattre et pour prier et implorer miséricorde et pitié. Jérusalem n'était pas habitée, mais elle était comme un désert. Aucun de ses enfants n'y entrait ou en sortait, le sanctuaire était foulé aux pieds, et les fils des étrangers habitaient dans la forteresse. Là était la demeure des nations, la joie était bannie de Jacob, et on n'y entendait plus la flûte ni la harpe. Ils s'assemblèrent donc, et ils vinrent à Masfa, en face de Jérusalem, parce qu'il y avait eu autrefois à Masfa un lieu de prière dans Israël. Ils jeûnèrent ce jour-là, se revêtirent de cilice, se mirent de la cendre sur la tête et déchirèrent leurs vêtements. Puis ils ouvrirent les livres de la loi où les gentils cherchaient à trouver de la ressemblance avec leurs idoles. Ils apportèrent les ornements sacerdotaux, les prémices et les dîmes. Et ils firent venir les Nazaréens qui avaient accompli leur jour. Et ils crièrent à haute voix vers le ciel en disant « Que ferons-nous à ceux-ci et où les conduirons-nous ? Votre sanctuaire a été foulé aux pieds et souillé. Vos prêtres sont dans le deuil et l'humiliation. Et voici que les nations se sont assemblées contre nous pour nous perdre. Vous savez ce qu'elles méditent contre nous. Comment pourrons-nous subsister devant elles si vous-même, ô Dieu, ne nous assistez ?» Et ils firent retentir les trompettes avec un grand bruit. Après cela, Juda établit des chefs du peuple, des tribuns, des centurions et des officiers de 50 hommes et de 10. Et il dit à ceux qui venaient de bâtir des maisons, d'épouser des femmes et de planter des vignes, et à ceux qui étaient timides, de retourner chacun dans sa maison selon la loi. Alors ils levèrent le camp et vinrent camper près d'Emmaüs du côté du midi. Et Juda dit, « Préparez-vous, et soyez des hommes courageux. Tenez-vous prêts pour demain matin, afin de combattre contre ces nations qui se sont assemblées contre nous pour nous perdre, nous et nos choses saintes. Car il nous est meilleur de mourir dans le combat que de voir les maux de notre peuple et des choses saintes. Cependant que ce qui est voulu dans le ciel s'accomplisse. » Alors Gorgias prit 5 000 hommes et 1 000 cavaliers d'élite et leva le camp pendant la nuit pour s'approcher du camp des Juifs et les frapper à l'improviste. Et des hommes qui étaient de la citadelle leur servaient de guide. Juda l'apprit et il se leva, lui et les vaillants, pour frapper le gros de l'armée du roi qui était à Emmaüs, car cette armée était encore dispersée hors du camp. Gorgias vint donc dans le camp de Juda pendant la nuit et n'y trouva personne. Et il les cherchait dans les montagnes en disant « Ils fuient devant nous ». Lorsque le jour fut venu, Juda parut dans la plaine avec 3 000 hommes seulement qui n'avaient ni bouclier ni épée. Et ils virent que l'armée des nations était forte et que les soldats portaient des cuirasses et qu'il y avait de la cavalerie autour d'eux et qu'ils étaient exercés au combat. Et Juda dit aux hommes qui étaient avec lui « Ne craignez point leur multitude et ne redoutez pas leur choc ». Souvenez-vous de quelle manière nos pères furent sauvés dans la mer Rouge lorsque le Pharaon les poursuivait avec une armée nombreuse. Crions maintenant vers le ciel et le Seigneur aura pitié de nous. Il se souviendra de l'alliance faite avec nos pères, et il brisera aujourd'hui cette armée devant nos yeux. Et toutes les nations sauront qu'il y a un Rédempteur et un Libérateur d'Israël. » Alors les étrangers levèrent les yeux et les virent qui s'avançaient contre eux. Ils sortirent du camp pour le combat, et ceux qui étaient avec Juda sonnèrent de la trompette, et ils se rencontrèrent. Et les nations furent battues et s'enfuirent dans la plaine. Les derniers tombèrent tous sous le glaive, et les Juifs les poursuivirent jusqu'à Gézéron et jusqu'aux campagnes d'Idumée, d'Azote et de Jamnias. Et jusqu'à 3000 d'entre eux succombèrent. Juda revint avec son armée qui le suivait. Et il dit au peuple, « Ne convoitez pas le butin, car un combat est imminent. Et Gorgias avec son armée est près de nous sur la montagne. Mais demeurez fermes maintenant contre nos ennemis et triomphez d'eux. Et ensuite vous prendrez leurs dépouilles en sûreté. » Tandis que Juda parlait encore, voici, il apparut une troupe qui regardait de la montagne. Et Gorgias vit que les siens avaient été mis en fuite et que le camp brûlait, car la fumée que l'on apercevait indiquait ce qui était arrivé. Ayant vu cela, ils eurent une grande peur, apercevant en même temps Juda et son armée dans la plaine, prête à combattre. Et ils s'enfuirent tous dans le pays des étrangers. Alors Juda vint pour enlever le butin du camp, et ils emportèrent beaucoup d'or et d'argent, de l'hyacinthe, de la pourpre marine et de grandes richesses. Et en revenant, ils chantaient des hymnes et bénissaient Dieu dans le ciel parce qu'il est bon et que sa miséricorde est éternelle. Et il y eut dans Israël une grande délivrance en ce jour-là. Or, tous ceux des étrangers qui avaient échappé vinrent annoncer à Lysias ce qui était arrivé. L'ayant entendu, il fut consterné dans son cœur et découragé, parce que ce n'était pas ce qu'il avait voulu qui était arrivé à Israël, ni ce que le roi avait ordonné. L'année suivante, Lysias réunit 60 000 hommes d'élite et 5 000 cavaliers pour combattre les Juifs. Ils vinrent en Judée et campèrent à Bethoron, et Juda vint au-devant d'eux avec 10 000 hommes. Ils virent que l'armée était forte, et Juda pria et dit « « Vous êtes béni, sauveur d'Israël, qui avez brisé la force d'un géant par la main de votre serviteur David, et qui avez livré le camp des étrangers entre les mains de Jonatas, fils de Saül, et de son écuyer. Enfermez cette armée entre les mains de votre peuple d'Israël, et qu'ils soient couverts de confusion avec leurs troupes et leur cavalerie. Frappez-les de crainte, et faites sécher l'audace de leur courage, afin qu'ils soient ébranlés par leur ruine. » Renversez-les par l'épée de ceux qui vous aiment, et que tous ceux qui connaissent votre nom vous louent par des cantiques. » Alors ils engagèrent le combat, et 5 000 hommes de l'armée de Lysias tombèrent. Lysias, voyant la fuite des siens et le courage des Juifs, et ceux-ci, prêts à vivre ou à mourir généreusement, s'en alla à Antioche et choisit des soldats pour revenir en Judée avec des forces supérieures. Alors Juda et ses frères dirent, « Voici que nos ennemis sont écrasés. Allons maintenant purifier le temple et le renouveler. » Toute l'armée s'assembla donc, et ils montèrent à la montagne de Sion. Ils virent le sanctuaire désert, l'autel profané, les portes brûlées, des arbrisseaux croissant dans les parvis, comme dans un bois et sur les montagnes, et les chambres détruites. Ils déchirèrent leurs vêtements, firent un grand deuil, et se mirent de la cendre sur la tête. Puis ils se prosternèrent le visage contre terre, sonnèrent les trompettes du signal et poussèrent des cris jusqu'au ciel. Alors Juda commanda des hommes pour combattre ceux qui étaient dans la citadelle jusqu'à ce qu'on eût purifié les lieux saints. Et il choisit des prêtres sans tache, pleins d'amour pour la loi de Dieu. Et ils purifièrent les lieux saints et ils emportèrent les pierres profanes dans un lieu impur. Et il pensa à ce qu'il ferait de l'autel des holocaustes qui avait été profané. Et ils prirent le bon conseil de le détruire, de peur qu'il ne leur fût un opprobre, parce que les nations l'avaient souillé. Ils le démolirent donc, et ils en mirent les pierres sur la montagne du temple dans un lieu convenable, jusqu'à ce qu'il vînt un prophète qui donnât une décision à leur sujet. Puis ils prirent des pierres entières, conformément à la loi, et ils bâtirent un autel neuf, semblable à celui qui existait auparavant. Ils rebâtirent aussi le sanctuaire et ce qui était au-dedans du temple, et ils sanctifièrent le temple et le parvis. Ils firent de nouveaux vases sacrés et ils apportèrent dans le temple le chandelier, l'autel, des parfums et la table. Ils mirent de l'encens sur l'autel, allumèrent les lampes qui étaient sur le chandelier et qui éclairaient dans le temple. Ils placèrent les pains sur la table, suspendirent les voiles et achevèrent tous les travaux qu'ils avaient entrepris. Avant l'aurore, ils se levèrent. Le 25e jour du 9e mois, nommé mois de Casleu, la 148e année, et ils offrirent le sacrifice, selon la loi, sur le nouvel autel des holocaustes qu'ils avaient préparé. Au même temps et au même jour où il avait été souillé par les nations, il fut dédié de nouveau au son des cantiques et des harpes, des psaltérions et des cymbales. Tout le peuple se prosterna le visage contre terre. Ils adorèrent et bénirent dans le ciel celui qui les avait fait réussir. Ils firent la dédicace de l'autel pendant 8 jours, et ils offrirent des holocaustes avec joie et un sacrifice d'action de grâce et de louange. Ils ornèrent le devant du temple avec des couronnes d'or et des écussons. Ils renouvelèrent les entrées du temple et les chambres. Ils y mirent des portes. Il y eut une très grande joie parmi le peuple, et l'opprobre des nations fut éloigné. Alors Judas, avec ses frères et toute l'assemblée d'Israël, ordonna que le jour de la dédicace de l'autel serait célébré en son temps, d'année en année, pendant 8 jours, à partir du 25e jour du mois de Casleu, avec joie et allégresse. En ce même temps, ils fortifièrent la montagne de Sion et bâtirent tout autour de hautes murailles et de fortes tours, de peur que les nations ne vinssent et ne la profanassent comme elles avaient fait auparavant. Il y plaça un détachement pour la garder, et il la fortifia pour protéger Betsura, afin que le peuple eût une forteresse en face de l'Idumée. Lorsque les nations d'alentour eurent appris que l'autel et le sanctuaire avaient été rebâtis comme auparavant, il arriva qu'elles furent très irritées. Et elles résolurent d'exterminer ceux de la race de Jacob qui étaient parmi eux, et commencèrent à tuer quelques-uns du peuple et à poursuivre les autres. Et Judas faisait la guerre aux fils d'Ésaü dans l'Idumée, et à ceux qui étaient dans l'Acrabatane, parce qu'il tenait les Israélites comme investis, et il les frappa d'une grande plaie. Il se souvint aussi de la malice des enfants de Béan, qui était un piège et un scandale pour le peuple, lui dressant des embûches dans le chemin. Il les bloqua dans des tours, et il les y investit, et il les anathématisa, et brûla leurs tours avec tous ceux qui étaient dedans. Il passa de là, chez les fils d'Ammon, et il y trouva une forte troupe et un peuple nombreux, et Timothée leur chef. Il leur livra beaucoup de combats, et il les défit et les tailla en pièces. Et il prit aussi la ville de Gazer et ses filles, et il revint en Judée. Les nations, qui étaient en Galaad, s'assemblèrent contre les Israélites qui étaient sur leur territoire pour les exterminer. Mais ils s'enfuirent dans la forteresse de Dathéman, et ils envoyèrent des lettres à Judas et à ses frères, leur disant « Les nations se sont assemblées contre nous de tous côtés pour nous exterminer. Elles se préparent à venir pour s'emparer de la forteresse où nous nous sommes réfugiés, et Timothée est le chef de leur armée. » Viens donc maintenant, et délivre-nous de leurs mains, car une multitude des nôtres est tombée. Tous nos frères, qui étaient dans la région de Tubin, ont été tués. Ils ont emmené en captivité leurs femmes, leurs enfants et leurs dépouilles, et ils ont tué là près de 1000 hommes. On lisait encore leurs lettres, et voici que d'autres messagers vinrent de Galilée, ayant leurs tuniques déchirées et portant des nouvelles semblables. Ils disaient que ceux de Ptolémaïs, de Tyr et de Sidon s'étaient assemblés contre eux. Et toute la Galilée est remplie d'étrangers pour nous perdre. » Lorsque Judas et le peuple eurent entendu ces discours, une grande assemblée se réunit afin de délibérer sur ce qu'ils feraient pour leurs frères qui étaient dans la tribulation et qui étaient attaqués par ces hommes. Alors Judas dit à Simon son frère, « Choisis-toi des hommes et va et délivre tes frères en Galilée. Moi et mon frère, Jonatas, nous irons dans le pays de Galaad. » Il laissa Joseph, fils de Zacharie, et Azarias, chef du peuple, avec le reste de l'armée dans la Judée, pour la garder. Et il leur donna cet ordre. « Gouvernez ce peuple, et n'engagez pas le combat contre les nations jusqu'à ce que nous soyons revenus. » On donna à Simon 3 000 hommes pour aller en Galilée, et à Judas 8 000 pour aller en Galaad. Simon alla donc dans la Galilée et livra de nombreux combats aux nations, qui furent écrasés devant lui, et il les poursuivit jusqu'à la porte de Ptolémaïs. Et près de 3 000 d'entre les nations tombèrent, et il s'empara de leurs dépouilles. Puis il prit avec lui ceux qui étaient en Galilée et dans Arbate avec leurs femmes et leurs enfants, et tout ce qui leur appartenait, et il les amena en Judée avec une grande joie. Cependant, Judas Maccabée et Jonathas, son frère, franchirent le Jourdain et marchèrent durant 3 jours dans le désert. Et les Nabutéens vinrent à leur rencontre et les reçurent dans un esprit de paix. Ils leur racontèrent tout ce qui était arrivé à leurs frères dans le pays de Galaad et comment beaucoup d'entre eux avaient été enfermés dans Baraza, dans Bozor, dans Alimès, dans Casphor, Majet et Carnaïm, qui étaient toutes des villes fortes et grandes. On les tenait aussi renfermés dans les autres villes de Galaad, et on avait résolu de faire marcher le lendemain leur armée contre ces villes, de les prendre et de les perdre en un même jour. Alors, Judas prit aussitôt avec son armée le chemin qui mène au désert de Bozor, et il s'empara de la ville. Il tua tous les mâles par le tranchant de l'épée, enleva tout leur butin et brûla la ville. Ils sortirent de là pendant la nuit et allèrent jusqu'à la forteresse. Au point du jour, comme ils levaient les yeux, voici qu'ils virent une troupe innombrable d'hommes qui portaient des échelles et des machines pour s'emparer de la forteresse et prendre les Juifs. Judas vit donc que l'attaque avait commencé, et le cri de guerre montait jusqu'au ciel comme le son de la trompette, et un grand cri s'élevait de la ville. Et il dit à son armée, « Combattez aujourd'hui pour vos frères. » Et il marcha en 3 corps derrière les ennemis, et ils firent retentir les trompettes et poussèrent des cris dans leurs prières. Le camp de Timothée reconnut que c'était Maccabée, et ils s'enfuirent devant lui. Les Juifs les frappèrent d'une grande plaie, et près de 8 000 hommes d'entre eux tombèrent ce jour-là. Judas alla ensuite à Masfa. Il l'attaqua et la prit. Il en tua tous les mâles, s'empara de ses dépouilles et la brûla. De là, il s'avança et prit Casbon, Majet, Bozor et les autres villes de Galaad. Après cela, Timothée assembla une autre armée et campa en face de Raphon, au-delà du torrent. Judas envoya reconnaître cette armée et on lui fit un rapport en disant « Toutes les nations qui nous environnent se sont réunies auprès de lui, formant une armée tout à fait nombreuse. Ils ont aussi fait venir les Arabes à leur secours et ils sont campés au-delà du torrent, prêts à venir t'attaquer. » Judas marcha alors à leur rencontre. Et Timothée dit au chef de son armée « Lorsque Judas se sera approché du torrent avec son armée, s'il passe vers nous le premier, nous ne pourrons pas lui résister, car il aura tout l'avantage sur nous. Mais s'il craint de passer, et s'il campe au-delà du fleuve, passons à eux et nous aurons l'avantage sur lui. » Lorsque Judas se fut approché du torrent d'eau, il plaça les scribes du peuple près du torrent, et il leur donna cet ordre. « Ne laissez aucun homme en arrière, mais que tous viennent au combat. » Puis il passa l'eau le premier, et tout le peuple après lui. Et toutes les nations furent battues en leur présence, et elles jetèrent leurs armes et s'enfuirent dans le temple qui était à Carnaïm. Il prit la ville et brûla le temple avec tous ceux qui étaient dedans, et Carnaïm fut écrasé, et elle ne put tenir devant Judas. Alors Judas rassembla tous les Israélites qui étaient dans le pays de Galaad, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, avec leurs femmes et leurs enfants, et une très grande armée pour les emmener dans le pays de Juda. Ils vinrent jusqu'à Éphron. Or, cette ville était grande, située à l'entrée du pays, et très forte. Et on ne pouvait se détourner d'elle ni à droite ni à gauche, mais le chemin passait au milieu d'elle. Ceux qui étaient dans la ville s'enfermèrent et obstruèrent les portes avec des pierres. Juda leur envoya porter des paroles de paix en ces termes. « Trouvez bon que nous passions par votre pays pour aller dans le nôtre, et personne ne vous nuira. Nous ne passerons qu'à pied. » Mais ils ne voulurent pas leur ouvrir. Alors Judas fit publier dans le camp que chacun attaqua la ville dans l'endroit où il était. Les hommes vaillants s'avancèrent donc, et il donna l'assaut à cette ville pendant tout le jour et toute la nuit, et la ville fut livrée entre ses mains. Ils firent périr tous les mâles par le tranchant de l'épée. Il la détruisit jusqu'au fondement, en prit le butin et traversa toute la ville sur les cadavres. Ils franchirent ensuite le Jourdain dans la grande plaine qui est en face de Bethsan. Et Juda était à l'arrière-garde, la ralliant, et il encourageait le peuple tout le long du chemin jusqu'à ce qu'ils fussent arrivés au pays de Juda. Ils montèrent sur la montagne de Sion avec joie et allégresse, et ils offrirent des holocaustes parce qu'aucun d'eux n'avait péri jusqu'à ce qu'ils fussent revenus en paix. Pendant le jour où Juda, avec Jonathas, était au pays de Galaad, et Simon, son frère, dans la Galilée, devant Ptolémaïs, Joseph, fils de Zacharie, et Azarias, chef du détachement, apprirent leur succès et les combats qu'ils avaient livrés. Et ils dirent, « Faisons-nous aussi un nom, et allons combattre contre les nations qui nous environnent. » Il donna donc des ordres à ceux qui composaient son armée, et ils marchèrent sur Jamnia. Gorgias sortit de la ville avec ses hommes et alla au-devant d'eux pour les combattre. Et Joseph et Azarias furent mis en fuite jusqu'à la frontière de la Judée. Et près de 2000 hommes du peuple d'Israël tombèrent ce jour-là. Et la déroute fut grande parmi le peuple, parce qu'ils n'avaient pas écouté Juda et ses frères, s'imaginant qu'ils agiraient vaillamment. Mais ils n'étaient pas de la race de ces hommes par qui le salut a été opéré en Israël. Or les hommes de Juda furent en très grand honneur devant tout Israël et devant toutes les nations où l'on entendit leur nom. Et on se réunissait auprès d'eux avec des acclamations de joie. Juda sortit ensuite avec ses frères et ils attaquèrent les enfants d'Ésaü dans le pays qui est au Midi. Il prit Kébron et ses filles et brûla tout autour par le feu ses murs et ses tours. Puis il décampa pour aller au pays des étrangers et il parcourait la Samarie. En ce jour-là, des prêtres périrent à la guerre en voulant signaler leur courage et en allant au combat sans avoir reçu d'ordre. Juda se détourna ensuite sur Azoth, au pays des étrangers. Il renversa leurs autels et brûla par le feu les statues de leurs dieux. Il prit le butin des villes et revint dans le pays de Juda. Cependant, le roi Antiochus parcourait les hautes provinces et il apprit que la ville d'Élimaïs en Perse était très célèbre, riche en argent et en or, et qu'elle avait un temple très riche où étaient les voiles d'or, les cuirasses et les boucliers qui avaient laissé Alexandre, fils de Philippe, roi de Macédoine, qui régna le premier en Grèce. Il vint et il cherchait à prendre la ville et à la piller, mais il ne le put. Car son dessein fut connu de ceux qui étaient dans la ville, et ils se levèrent pour le combat. Il s'enfuit de là, et se retira avec une grande tristesse, et revint en Babylonie. Et on vint lui annoncer en Perse que son armée qui était dans le pays de Juda avait été mise en fuite, que Lysias avait marché à la tête d'une forte armée et avait été mis en fuite par les Juifs, et que ceux-ci avaient acquis de la force par les armes et les troupes et les dépouilles nombreuses qu'ils avaient prises dans le camp, qu'ils avaient renversé l'abomination qu'il avait dressée sur l'autel qui était à Jérusalem, et qu'ils avaient environné le sanctuaire de hautes murailles comme auparavant, ainsi que Bethsura, sa ville. Il arriva, lorsque le roi eut appris ces nouvelles, qu'il en fut saisi d'étonnement et très troublé. Il se mit au lit et tomba dans la langueur par suite de la tristesse, parce que les choses n'avaient pas eu lieu comme il l'avait pensé. Il demeura là pendant des jours nombreux, parce qu'une grande tristesse se renouvelait en lui, et il crut qu'il allait mourir. Il appela tous ses amis et leur dit, Le sommeil s'est éloigné de mes yeux. Je suis abattu et mon cœur a défailli de chagrin. Et j'ai dit en mon cœur, « Dans quelle affliction suis-je tombé ? Et dans quel flot de tristesse suis-je maintenant, moi qui étais heureux et aimé dans ma puissance ?» Maintenant, je me souviens des maux que j'ai faits à Jérusalem, dont j'ai emporté toutes les dépouilles d'or et d'argent qui y étaient, et j'ai envoyé sans motif enlever les habitants de la Judée. Je reconnais donc que c'est pour cela que ces maux m'ont atteint, et voici que je meurs d'une tristesse dans une terre étrangère. Alors il appela Philippe, l'un de ses amis, et il l'établit sur tout son royaume. Et il lui donna son diadème et son manteau et son anneau, afin qu'il amenât son fils Antiochus, qu'il prît soin de son éducation et le fit régner. Et le roi Antiochus mourut là, en l'année 149. Lysias apprit que le roi était mort, et il établit roi en sa place Antiochus, son fils, qu'il avait nourri tout jeune, et il lui donna le nom d'Eupator. Or ceux qui étaient dans la citadelle avaient enfermé Israël tout autour du sanctuaire, et ils cherchaient sans cesse à leur faire du mal et à fortifier les nations. Juda résolut de les perdre, et il convoqua tout le peuple pour les assiéger. Ils se réunirent tous ensemble, et ils les assiégèrent en la 150e année. Et ils firent des balistes et des machines. Alors, quelques-uns des assiégés sortirent, et quelques impies d'Israël se joignirent à eux. Et ils allèrent auprès du roi et dirent, « Jusques à quand diffères-tu à nous faire justice et à venger nos frères ? Nous nous sommes engagés à servir ton père, à marcher selon ses ordres et à obéir à ses édits. Et les fils de notre peuple, à cause de cela, nous ont pris en aversion, et ceux d'entre nous qu'ils ont trouvés ont été mis à mort et nos héritages ont été pillés. Et ce n'est pas seulement sur nous qu'ils ont étendu la main, mais encore sur toutes nos frontières. » Et voici qu'aujourd'hui, ils se sont approchés de la citadelle de Jérusalem pour s'en emparer, et ils ont fortifié le fort de Betsura. Et si tu ne les préviens très promptement, ils feront pire que cela, et tu ne pourras plus les assujettir. » Le roi s'irrita lorsqu'il eut entendu cela, et il convoqua tous ses amis, et les chefs de son armée, et ceux qui commandaient les cavaliers. Des troupes de mercenaires vinrent aussi vers lui des royaumes étrangers et des îles maritimes. Son armée était composée de 100 000 hommes de pied, de 20 000 cavaliers et de 32 éléphants dressés au combat. Ils vinrent par l'Idumée et assiégèrent Betsura. Ils combattirent pendant des jours nombreux et firent des machines. Mais les Juifs sortirent et les brûlèrent et combattirent virilement. Alors Juda s'éloigna de la citadelle et marcha avec son armée vers Betzakara vis-à-vis du camp du roi. Et le roi se leva avant le jour et lança impétueusement ses troupes sur le chemin de Betzakara. Les armées se préparèrent au combat et sonnèrent des trompettes. Ils montrèrent aux éléphants du jus de raisin et des mûres afin de les animer au combat. Ils partagèrent les bêtes par légion et 1000 hommes, munis de cottes de mailles et de casques d'airain, accompagnèrent chaque éléphant et 500 chevaux d'élite furent répartis auprès de chaque bête. Ceci précédait la bête partout où elle était. Ils allaient partout où elle allait et ils ne s'éloignaient pas d'elle. Il y avait aussi sur chaque bête de fortes tours de bois protectrices. Et sur celles-ci étaient des machines et sur chacune 32 hommes vaillants qui combattaient d'en haut et un Indien qui conduisait la bête. Il rangea le reste de la cavalerie de ça et de là en deux divisions pour exciter l'armée par le son des trompettes et pour animer son infanterie serrée en bataillon. Lorsque le soleil brilla sur les boucliers d'or et d'airain, les montagnes en resplendirent, et elles resplendirent comme des lampes ardentes. Une partie de l'armée du roi s'avança sur les hautes montagnes et l'autre dans la plaine, et ils marchaient avec précaution et avec ordre. Et tous les habitants du pays étaient épouvantés par les cris de cette multitude et par la marche de la foule et par le fracas des armes, car l'armée était très grande et très forte. Et Juda s'approcha avec son armée pour le combat, et 600 hommes de l'armée du roi tombèrent. Alors Éléazar, fils de Sora, vit une des bêtes cuirassées d'une armure royale. Elle était plus grande que les autres bêtes, et il lui sembla que le roi était dessus. Et il se sacrifia pour délivrer son peuple et pour s'acquérir un nom immortel. Il courut hardiment à elle au milieu de la légion, tuant à droite et à gauche, et de tous côtés, il tombait devant lui. et il alla sous les pieds de l'éléphant, se mit sous lui et le tua. L'éléphant tomba par terre sur lui, et Éléazar mourut là. Mais les Juifs, voyant la force du roi et l'impétuosité de son armée, se retirèrent. Or, l'armée du roi monta contre eux vers Jérusalem, et l'armée du roi pénétra en Judée et près de la montagne de Sion. Il fit la paix avec ceux qui étaient dans Bethsura, et ils sortirent de la ville parce que ceux qui étaient enfermés n'avaient plus de vivres, car c'était le sabbat de la terre. Ainsi, le roi prit Bethsura et il y établit une garnison pour la garder. Il campa ensuite auprès du lieu saint pendant des jours nombreux, et il dressa des balistes et des machines et des instruments pour lancer du feu, des pierres et des dards et des arbalètes pour lancer des flèches et des frondes. Les Juifs firent aussi des machines contre leurs machines, et ils combattirent pendant des jours nombreux. Mais il n'y avait pas de vivres dans la ville, parce que c'était la septième année, et que ceux d'entre les nations qui étaient demeurés dans la Judée avaient consumé les restes de ce qu'on avait mis en réserve. Il ne demeura donc que peu d'hommes dans les lieux saints, parce que la famine les avait atteints, et ils se dispersèrent chacun dans son pays. Cependant, Lysias apprit que Philippe, qui avait été choisi par le roi Antiochus lorsqu'il vivait encore, pour élever Antiochus son fils et pour le faire régner, était revenu de Perse et de Médie avec l'armée qu'il y avait accompagnée et qu'il cherchait à prendre le gouvernement des affaires du royaume. Il se hâta donc d'aller dire au roi et au chef de l'armée « Nous nous consumons tous les jours, nous avons très peu de vivres, la place que nous assiégeons est bien fortifiée et il nous incombe de mettre ordre au royaume. Donnons donc maintenant la main à ces hommes et faisons la paix avec eux et avec toute leur nation. » Et permettons-leur de vivre selon leur loi comme auparavant. Car c'est à cause de leur loi que nous avons méprisé, qu'ils se sont irrités et qu'ils ont fait tout cela. » Cette proposition plut au roi et au chef, et il envoya vers eux traité de la paix, et ils l'acceptèrent. Et le roi et les chefs la jurèrent, et ils se retirèrent de la forteresse. Alors le roi entra sur la montagne de Sion et vit les fortifications de ce lieu, et il viola aussitôt le serment qu'il avait fait, et il ordonna de détruire le mur tout autour. Il partit ensuite en grande hâte et retourna à Antioche. Et il trouva que Philippe s'était rendu maître de la ville, et il combattit contre lui et reprit la ville. En la 151e année, Démétrius, fils de Séleucus, sorti de la ville de Rome, monta avec un petit nombre d'hommes dans une ville maritime et y régna. Et il arriva, lorsqu'il fut entré dans la maison du royaume de ses pères, que l'armée se saisit d'Antiochus et de Lysias pour les lui conduire. Lorsque la chose fut connue de lui, il dit « Ne me faites pas voir leur visage. » L'armée les tua, et Démétrius s'assit sur le trône de son royaume. Alors des hommes iniques et impies d'Israël vinrent le trouver, avec Alcime leur chef qui voulait être grand prêtre. Et ils accusèrent le peuple auprès du roi en disant « Juda et ses frères ont fait périr tous tes amis, et il nous a chassés de notre pays. Envoie donc maintenant un homme en qui tu aies confiance, afin qu'il aille et qu'il voie toute la ruine qu'il a amenée sur nous et sur les provinces du roi, et qu'il punisse tous ses amis et leurs auxiliaires. » Et le roi choisit parmi ses amis Bacchides, qui commandait au-delà du fleuve, grand dans le royaume et fidèle au roi. Il l'envoya pour voir la ruine qu'avait opérée Juda, puis il établit grand prêtre l'impie Alcime et lui ordonna de tirer vengeance des enfants d'Israël. Ils se levèrent et vinrent avec une grande armée dans le pays de Juda, et ils envoyèrent des messagers vers Juda et vers ses frères avec des paroles de paix pour les tromper. Mais ils ne firent pas attention à leur discours, voyant qu'ils étaient venus avec une grande armée. Cependant, un groupe de scribes se réunit auprès d'Alcim et de Bacchides pour chercher ce qui était juste. Au premier rang se trouvaient les Assidéens, qui faisaient partie des enfants d'Israël, et ils leur demandaient la paix. Car ils disaient « C'est un prêtre de la race d'Aaron qui est venu, il ne nous trompera pas ». Il leur proféra des paroles de paix et leur dit avec serment « Nous ne vous ferons pas de mal, non plus qu'à vos amis ». Ils le crurent, mais il fit saisir 60 d'entre eux et il les fit mourir en un même jour, selon la parole qui est écrite. Les chairs de vos seins et leur sang, ils les ont répandus autour de Jérusalem et il n'y avait personne pour les ensevelir. La crainte et la frayeur s'emparèrent de tout le peuple et ils disaient « Il n'y a ni vérité ni justice parmi eux, car ils ont violé la parole donnée et le serment qu'ils avaient fait. » Bacchides partit alors de Jérusalem et alla camper près de Betzéka. Et il envoya saisir un grand nombre de ceux qui avaient quitté son parti et égorgea quelques-uns du peuple, puis il les jeta dans un grand puits. Il confia le pays à Alcim et il lui laissa des troupes pour le soutenir. Puis Bacchides revint auprès du roi. Cependant, Alcim agissait beaucoup en faveur de son pontificat suprême et tous ceux qui troublaient leur peuple s'assemblèrent auprès de lui, se rendirent maîtres du pays de Juda et causèrent de grands maux dans Israël. Juda vit tous les maux qu'Alcim et ceux qui étaient avec lui avaient fait aux enfants d'Israël, beaucoup plus que les nations, et il parcourut tout le territoire de la Judée et tira vengeance des déserteurs, et ils cessèrent dès lors de faire des incursions dans le pays. Mais Alcim vit que Juda et ceux qui étaient avec lui étaient les plus forts, et reconnut qu'il ne pouvait leur résister. Et il retourna auprès du roi et les accusa de crimes nombreux. Alors le roi envoya Nicanor, l'un de ses princes les plus nobles, qui était très hostile à Israël, et lui commanda de perdre ce peuple. Nicanor vint donc à Jérusalem avec une grande armée, et il députa vers Juda et ses frères avec des paroles de paix pour les tromper, disant « Qu'il n'y ait pas de combat entre vous et moi. Je viendrai avec un petit nombre d'hommes pour voir vos visages en paix. » Il vint auprès de Juda, et ils se saluèrent l'un l'autre pacifiquement. Mais les ennemis étaient prêts à se saisir de Juda. Juda apprit qu'il était venu à lui pour le surprendre, et ayant eu peur de lui, il ne voulut pas le voir davantage. Nicanor sut que son dessein avait été découvert, et il marcha au combat contre Juda près de Kafar Salama. Et près de 5000 hommes de l'armée de Nicanor tombèrent, et le reste s'enfuit dans la cité de David. Après cela, Nicanor monta sur la montagne de Sion, et quelques-uns des prêtres sortirent pour le saluer avec un esprit de paix et pour lui montrer les holocaustes qui étaient offerts pour le roi. Mais il les méprisa en les raillant. Il profana le temple et parla avec orgueil. Et il jura avec colère en disant « Si Juda n'est pas livré entre mes mains avec son armée, aussitôt que je serai revenu victorieux, je brûlerai cette maison. » Et il s'en alla plein de colère. Alors les prêtres entrèrent et se tinrent en face de l'autel et du temple, et ils dirent en pleurant « Seigneur, vous avez choisi cette maison afin que votre nom y fût invoqué, et qu'elle fût une maison de prière et de supplication pour votre peuple. Tirez vengeance de cet homme et de son armée, et qu'il tombe sous le glaive. Souvenez-vous de leur blasphème et ne leur permettez pas de subsister. » Nicanor sortit de Jérusalem et vint camper près de Bétoron, et l'armée de Syrie vint à sa rencontre. Juda campa à Adarsa avec 3000 hommes, et Juda pria en disant « Ceux qui avaient été envoyés par le roi Sennachérib vous blasphémèrent, Seigneur, et un ange vint et leur tua 185 000 hommes. Écrasez de même aujourd'hui cette armée en notre présence, afin que les autres sachent que Nicanor a mal parlé de votre sanctuaire, et jugez-le selon sa malice. » Les armées engagèrent le combat le 13e jour du mois d'Adar, et les troupes de Nicanor furent défaites, et il tomba lui-même le premier dans le combat. Lorsque son armée vit que Nicanor était tombé, ils jetèrent leurs armes et s'enfuirent. Et les Juifs les poursuivirent durant une journée de chemin depuis Hadazer jusqu'à l'entrée de Gazara, et ils sonnèrent des trompettes derrière eux pour donner des signaux. et des hommes sortirent de tous les villages de Judée qui étaient aux environs et les chargèrent avec vigueur. Et ils se tournèrent de nouveau contre eux, et tous tombèrent sous le glaive, et il n'en échappa pas un seul d'entre eux. Ils prirent leurs dépouilles comme butin, et ils coupèrent la tête de Nicanor et sa main droite, qu'il avait étendue insolemment. Ils les apportèrent et les suspendirent en face de Jérusalem. Le peuple se réjouit beaucoup, et ils passèrent ce jour dans une grande joie. On ordonna que ce jour serait célébré tous les ans, le 13e jour du mois d'Adar. Et le pays de Juda demeura en repos pendant un petit nombre de jours. Juda apprit alors le nom des Romains, et il sut qu'ils étaient puissants en force, qu'ils acquiesçaient à tout ce qu'on leur demandait, qu'ils avaient fait amitié avec tous ceux qui s'étaient approchés d'eux, et qu'ils étaient puissants en force. On apprit aussi leurs combats, et les grandes actions qu'ils avaient accomplies dans la Galatie, et comment ils s'en étaient rendus maîtres et l'avaient rendu tributaire. Et tout ce qu'ils avaient fait dans le pays d'Espagne, et qu'ils avaient réduit en leur puissance les mines d'or et d'argent qui s'y trouvaient, et avaient conquis toute la contrée par leur sagesse et leur patience, qu'ils s'étaient assujettis des régions très éloignées d'eux, et des rois qui avaient marché contre eux des extrémités de la terre, et qui les avaient frappés d'une grande plaie, et que les autres leur payaient tribut tous les ans, qu'ils avaient vaincu à la guerre Philippe et Perse, roi des Cétéens, et les autres qui avaient pris les armes contre eux et qu'ils les avaient soumis. Qu'Antiochus le Grand, roi d'Asie, qui les avait attaqués avec 120 éléphants, de la cavalerie, des chars et une très grande armée, avait été écrasé par eux, qu'il l'avait pris vif et l'avait obligé, lui et ceux qui régneraient après lui, de payer un grand tribut et de donner des otages et ce dont ils étaient convenus, et le pays des Indiens, des Médès et des Lydiens, les plus belles de leur province et qui les avaient données au roi Eumène, après les avoir reçues, que ceux de la Grèce avaient voulu marcher contre eux pour les perdre, mais que ce projet leur fut connu, et qu'ils avaient envoyé contre eux un seul de leurs chefs, qu'ils avaient combattu contre eux et avaient tué un grand nombre, qu'ils avaient emmené leurs femmes et leurs enfants captifs, qu'ils les avaient pillés et avaient assujetti leur pays et détruit leurs murailles, et qu'ils les avaient réduits en servitude comme ils sont encore aujourd'hui, qu'ils avaient ruiné et soumis à leur empire les autres royaumes et les îles qui leur avaient autrefois résisté, mais qu'ils conservaient les alliances faites avec leurs amis et avec ceux qui s'étaient donnés à eux, qu'ils avaient conquis des royaumes voisins et éloignés parce que tous ceux qui entendaient leur nom les redoutaient. Que ceux qu'ils voulaient faire régner, régnaient, et qu'ils dépossédaient du royaume ceux qu'ils voulaient, et qu'ils étaient élevés très haut, et que, malgré tout cela, nul d'entre eux ne portait le diadème et ne se revêtait de la pourpre pour paraître plus grand par là, et qu'ils avaient établi un sénat parmi eux, et qu'ils consultaient tous les jours les 320 sénateurs qui tenaient toujours conseil sur les affaires de la multitude afin d'agir dignement. Et qu'ils confiaient chaque année leur magistrature à un seul homme pour dominer sur tout leur territoire, et que tous obéissaient à un seul, sans qu'il y eût d'envie ni de jalousie parmi eux. Juda choisit Eupolémus, fils de Jean, fils de Jacob, et Jason, fils d'Éléazar, et il les envoya à Rome pour contracter amitié et alliance avec eux, et pour qu'ils les délivrassent du joug des Grecs, car ils voyaient qu'ils réduisaient en servitude le royaume d'Israël. Ils partirent pour Rome, par un très long chemin, et ils entrèrent au Sénat et dirent : « Juda Maccabée et ses frères et le peuple des Juifs nous ont envoyés vers vous pour faire avec vous alliance et paix, et pour que vous nous inscriviez parmi vos alliés et vos amis. » Cette proposition leur plut. Et voici le rescrit qu'ils gravèrent sur des tables d'airain et qu'ils envoyèrent à Jérusalem pour qu'il demeurât chez eux comme un monument de paix et d'alliance. Que les Romains et la nation des Juifs soient comblés de biens à jamais sur mer et sur terre, et que l'épée et l'ennemi s'éloignent d'eux. S'il survient une guerre aux Romains d'abord ou à tous leurs alliés dans toute leur domination, la nation des Juifs leur portera secours de plein cœur selon que le temps le permettra. Et ils ne donneront et ne fourniront aux combattants ni blé, ni armes, ni argent, ni vaisseaux, ainsi qu'il plut aux Romains. Et ils observeront leurs ordres sans rien recevoir d'eux. Et de même, s'il survient d'abord une guerre au peuple juif, les Romains les aideront de tout cœur, selon que le temps le leur permettra. Et les Juifs ne fourniront aux troupes auxiliaires ni blé, ni armes, ni argent, ni vaisseaux, car c'est ainsi qu'il a plu aux Romains. Et ils observeront leurs ordres sincèrement. C'est là l'accord que les Romains font avec les Juifs. Que si par la suite les uns ou les autres veulent enlever ou ajouter quelque chose à ces détails, ils le feront de concert, et tout ce qu'ils ajouteront ou enlèveront sera ratifié. Et quant au mot que le roi Démétrius a fait aux Juifs, nous lui avons écrit en ces termes. « Pourquoi as-tu fait peser ton joug sur nos amis et nos alliés les Juifs ? Si donc ils s'adressent à nous de nouveau, nous leur ferons justice contre toi et nous combattrons contre toi sur mer et sur terre. » Cependant, lorsque Démétrius eut appris que Nicanor et son armée étaient tombés dans le combat, il résolut d'envoyer de nouveau Bacchides et Alcime en Judée et l'aile droite avec eux. Ils allèrent par la route qui mène à Galgala et campèrent à Mazalot, qui est en Arbel. Ils la prirent et tuèrent un grand nombre d'hommes. Au premier mois de la 152e année, ils firent approcher leur armée de Jérusalem. Et 22 000 hommes se levèrent et allèrent à Béré avec 2 000 cavaliers. Or, Juda avait établi son camp à Laïsa, et 3 000 hommes d'élite étaient avec lui. Et ils virent la multitude de l'armée qui était immense, et ils furent saisis de frayeur. Et beaucoup se retirèrent du camp, et il ne resta d'eux que 800 hommes. Juda vit que son armée s'était dissipée, et que la guerre le pressait. Et il eut le cœur brisé, parce qu'il n'avait pas le temps de les rassembler. Et il fut découragé. Et il dit à ceux qui étaient restés, « Levons-nous et marchons à nos ennemis pour les combattre si nous le pouvons. » Mais ils l'en détournaient en disant, « Nous ne le pourrons pas, mais sauvons maintenant nos vies et retournons à nos frères, et alors nous combattrons contre les ennemis, car nous sommes peu nombreux. » Et Juda dit, « Dieu nous garde d'agir ainsi et de fuir devant eux. Si notre temps est arrivé, mourons courageusement pour nos frères et ne portons pas atteinte à notre gloire. » L'armée ennemie sortit de son camp et se plaça devant eux. Et les cavaliers furent divisés en deux corps. Les frondeurs et les archers marchaient à la tête de l'armée. Et au premier rang de la bataille étaient tous les vaillants. Bacchides était à l'aile droite, et les bataillons s'approchèrent des deux côtés, et ils sonnaient de la trompette. Ceux qui étaient du côté de Juda poussèrent aussi des cris, et la terre fut ébranlée par le bruit des armées, et le combat fut engagé depuis le matin jusqu'au soir. Juda vit que la partie la plus forte de l'armée de Bacchides était à droite, et tous les vaillants de cœur se groupèrent auprès de lui. Et l'aile droite fut écrasée par eux, et il les poursuivit jusqu'à la montagne d'Azot. Ceux qui étaient à l'aile gauche virent que l'aile droite avait été écrasée, et ils suivirent par derrière Juda et ceux qui étaient avec lui. Le combat devint très vif, et beaucoup tombèrent frappés parmi ceux-ci et parmi ceux-là. Juda aussi tomba. Et les autres s'enfuirent. Jonathas et Simon emportèrent Juda, leur frère, et ils l'ensevelirent dans le sépulcre de leur père dans la ville de Modin. Tout le peuple d'Israël fit un grand deuil sur lui, et on le pleura pendant des jours nombreux. Et on disait, Comment est tombé le héros qui sauvait le peuple d'Israël? Les autres récits des guerres de Juda et des actions d'éclat qu'il a faites et de sa grandeur n'ont pas été écrits, car ils étaient trop nombreux. Il arriva, après la mort de Juda, que les méchants parurent sur tout le territoire d'Israël, et tous ceux qui commettaient l'iniquité se levèrent. En ces jours-là, il survint une très grande famine, et toute la contrée se livra à Bakides avec eux. Bakides choisit des hommes impies et les établit maîtres du pays. Et il recherchait très soigneusement les amis de Juda et les amenait à Bakides qui se vengeait d'eux et les insultait. Et il y eut une grande tribulation dans Israël, telle qu'on n'en avait pas vu depuis le jour où il n'avait point paru de prophète dans Israël. Alors tous les amis de Juda s'assemblèrent et dirent à Jonatas, « Depuis que ton frère Juda est mort, il n'y a pas d'homme semblable à lui pour marcher contre nos ennemis, Bakides et ceux qui sont ennemis de notre nation. C'est pourquoi nous t'avons choisi aujourd'hui pour être à sa place notre prince et notre chef, afin de diriger notre guerre. » Jonatas reçut en ce temps-là le commandement, et il se leva à la place de Juda, son frère. Bakides l'a pris, et il cherchait à le tuer. Mais Jonatas et Simon, son frère, et tous ceux qui étaient avec lui, le surent, et ils s'enfuirent dans le désert de Tekué et s'arrêtèrent près des eaux du lac d'Asphar. Bakides le sut, et le jour du sabbat, il vint lui-même avec toute son armée au-delà du Jourdain. Alors Jonatas envoya son frère, chef du peuple, et il demanda aux Nabutéens, ses amis, de pouvoir laisser chez eux ses bagages qui étaient considérables. Mais les fils de Jambri sortirent de Madaba, se saisirent de Jean et de tout ce qu'il avait, et s'en allèrent avec eux. Après cela, on annonça à Jonatas et à Simon, son frère, que les fils de Jambri faisaient de grandes noces, et qu'ils amenaient de Madaba en grande pompe la fiancée, fille d'un des premiers princes de Canaan. Ils se souvinrent du sang de Jean, leur frère, et ils montèrent et se cachèrent dans un lieu secret de la montagne. Puis ils levèrent les yeux et ils regardèrent. Et voici du tumulte et un appareil magnifique. L'époux s'avançait au devant d'eux avec ses amis et ses frères, au son des tambours et des instruments de musique, avec beaucoup d'armes. Alors ils s'élancèrent sur eux de leur embuscade et les tuèrent, et beaucoup tombèrent frappés, et le reste s'enfuit sur les montagnes, et ils emportèrent toutes leurs dépouilles. Les noces furent donc changées en deuil, et la voix des instruments de musique en lamentation. Ils vengèrent ainsi le sang de leurs frères, et ils revinrent sur la rive du Jourdain. Bakides la prit, et il vint le jour du sabbat sur le bord du Jourdain, avec une grande armée. Et Jonatas dit aux siens, « Levons-nous et combattons contre nos ennemis, car il n'en est pas aujourd'hui comme hier et avant-hier. Car voici, la guerre est devant nous, et l'eau du Jourdain, et les rivages, et les marais, et le bois sont de ça et de là, et il n'y a pas moyen d'échapper. Maintenant donc, criez vers le ciel, afin que vous soyez délivrés de la main de vos ennemis. » Alors, la bataille s'engagea. Et Jonatas étendit la main pour frapper Bakides, mais celui-ci se retira en arrière. Et Jonatas et ceux qui étaient avec lui se jetèrent dans le Jourdain, et ils le passèrent à la nage devant eux. 1000 hommes, du côté de Bakides, tombèrent ce jour-là, et les autres retournèrent à Jérusalem. Ils bâtirent des villes fortes dans la Judée et fortifièrent par de hautes murailles, des portes et des verrous, les citadelles qui étaient à Jéricho, à Amaüs, à Bethoron, à Bethel, à Tamnata, à Phara et à Topo. Puis il y mit des garnisons pour exercer des inimitiés contre Israël. Il fortifia aussi la ville de Betsura et Gazara et la citadelle, et il y mit des troupes et des provisions de vivres. Il prit pour otages les fils des princes du pays, et il les tint prisonniers dans la citadelle de Jérusalem. En la 153e année, au second mois, Alcim ordonna de détruire les murs de l'intérieur de la maison sainte, et de détruire les ouvrages des prophètes. Et il commença à détruire. En ce temps-là, Alcim fut frappé, et ses projets furent empêchés, sa bouche fut fermée, il fut perclus de paralysie, et il ne put plus proférer une parole, ni donner d'ordre au sujet de sa maison. Alcim mourut en ce temps-là avec de grandes tortures. Bakides vit qu'Alcim était mort, et il revint auprès du roi, et le pays demeura en repos pendant 2 ans. Alors, tous les méchants formèrent ce dessein en disant, « Voici, Jonatas et ceux qui sont avec lui vivent en paix et en assurance. Faisons donc maintenant venir Bacchides, et il les saisira tous en une seule nuit. » Ils allèrent, et ils lui donnèrent ce conseil. Et il se leva pour venir avec une grande armée, et il envoya en secret des lettres à ses alliés qui étaient en Judée, afin qu'ils se saisissent de Jonatas et de ceux qui étaient avec lui. Mais ils ne le purent, parce que leur projet fut connu de ceux-ci. Et il se saisit de 50 des hommes du pays qui étaient les chefs du complot, et il les fit mourir. Jonatas se retira, avec Simon et ceux qui étaient avec lui, à Bet-Bessé, qui est au désert. Il en répara les ruines et la fortifia. Bacchides le sut, et il rassembla toute son armée, et fit avertir ceux qui étaient en Judée. Puis il vint et campa au-dessus de Bet-Bessé, et il l'assiégea pendant des jours nombreux, et dressa des machines. Mais Jonatas laissa dans la ville Simon son frère, sortit dans la campagne, s'avança en nombre et frappa Odarès et ses frères et les fils de Phazéron dans leur tente. Et il commença à tailler en pièces et à croître en puissance. Cependant, Simon et ceux qui étaient avec lui sortirent de la ville et brûlèrent les machines. Puis ils attaquèrent Bacchides et il fut écrasé par eux. Et ils l'affligèrent grandement parce que son dessein et son entreprise étaient sans effet. Alors, irrité contre les hommes iniques qui lui avaient conseillé de venir dans leur pays, il en tua un grand nombre et il résolut de s'en retourner dans son pays avec le reste de son armée. Jonatas le sut et lui envoya des ambassadeurs pour faire la paix avec lui et lui rendre les prisonniers. Bacchides les reçut favorablement et agit d'après ses paroles, et jura qu'il ne lui ferait aucun mal tous les jours de sa vie. Il lui rendit les prisonniers qu'il avait pris auparavant dans le pays de Juda, puis il s'en retourna dans son pays, et il cessa de revenir sur ce territoire. Ainsi le glaive s'éloigna d'Israël, et Jonatas habita à Makmas, et il commença à juger le peuple, et il extermina les impies d'Israël. En la 160e année, Alexandre, fils d'Antiochus, surnommé le Noble, monta et occupa Ptolémaïs. On l'y reçut et il régna là. Le roi Démétrius l'apprit et rassembla une très nombreuse armée et marcha au-devant de lui pour le combattre. Démétrius envoya à Jonatas une lettre avec des paroles de paix, lui promettant de l'agrandir. Car il disait « Hâtons-nous de faire la paix avec lui avant qu'il la fasse avec Alexandre contre nous ». Car il se souviendra de tous les maux que nous lui avons faits à lui, à son frère et à sa nation. Il lui donna donc le pouvoir de rassembler une armée et de fabriquer des armes et d'être son allié. Et il ordonna qu'on lui remît les otages qui étaient dans la citadelle. Jonatas vint à Jérusalem et lut les lettres devant tout le peuple et devant ceux qui étaient dans la citadelle. Et ils furent saisis d'une grande crainte lorsqu'ils apprirent que le roi lui avait donné le pouvoir de rassembler une armée. Les otages furent remis à Jonatas et il les rendit à leurs parents. Jonatas habita à Jérusalem et il commença à bâtir et à renouveler la ville. Il commanda à ceux qui faisaient les travaux de construire des murs et d'entourer la montagne de Sion de pierres carrées pour la fortifier. Et ils firent ainsi. Alors, les étrangers qui étaient dans les forteresses que Bacchides avait bâties s'enfuirent, et chacun d'eux quitta le lieu où il était et s'en alla dans son pays. Il resta seulement dans Betsura quelques-uns de ceux qui avaient abandonné la loi et les préceptes de Dieu, car cette ville leur servait de retraite. Le roi Alexandre apprit les promesses que Démétrius avait faites à Jonatas. On lui raconta aussi les combats et les actes de courage qu'il avait accomplis avec ses frères, et les peines qu'ils avaient endurées. Et il dit, « Est-ce que nous trouverons un homme semblable ? Faisons maintenant de lui notre ami et notre allié. » Il écrivit une lettre, et il la lui envoya, conçue en ces termes. « Le roi Alexandre, à son frère Jonatas, salut. Nous avons entendu dire à ton sujet que tu es un homme puissant en force et que tu es apte à être notre ami. C'est pourquoi nous t'établissons aujourd'hui grand prêtre de ta nation, et tu t'appelleras l'ami du roi. » Il lui envoya en même temps la pourpre et une couronne d'or. « Et nous souhaitons que tu ressentes comme nous ce qui nous intéresse, et que tu nous conserves ton amitié. » Jonatas, en l'année 160, se revêtit de la robe sainte le septième mois en la fête solennelle des tabernacles, et il rassembla une armée et fit faire beaucoup d'armes. Démétrius apprit ces choses, et il en fut vivement attristé, et il dit « Comment avons-nous fait qu'Alexandre nous ait prévenus et qu'il ait gagné l'amitié des Juifs pour se fortifier ?» Je leur écrirai, moi aussi, des paroles de supplication, leur offrant des dignités et des présents afin qu'ils soient avec moi pour me secourir. Il leur écrivit donc en ces termes. Le roi Démétrius à la nation des Juifs, salut. Nous avons appris que vous avez gardé l'alliance faite avec nous, que vous êtes demeuré dans notre amitié et que vous ne vous êtes point unis à nos ennemis, et nous nous en sommes réjouis. Persévérez donc maintenant encore à nous conserver la fidélité, et nous vous rendrons en bienfait ce que vous avez fait pour nous. Et nous vous remettrons beaucoup de charges, et nous vous ferons des présents. Et dès à présent, je remets à vous et à tous les Juifs les tributs, et je vous dispense des impôts de sel, et je vous remets les couronnes et la troisième partie de la semence, et je vous abandonne à partir d'aujourd'hui et pour l'avenir la moitié des fruits des arbres, chose qui faisait partie de mes droits, ne voulant plus qu'on les prélève sur le pays de Juda, ni sur les trois villes de la Samarie et de la Galilée qui lui ont été ajoutées à partir d'aujourd'hui et dans tous les temps. Je veux aussi que Jérusalem soit sainte et libre avec son territoire, et que les dîmes et les tributs lui appartiennent. Je renonce aussi à la possession de la citadelle qui est à Jérusalem, et je la donne au grand prêtre, afin qu'il y établisse pour la garder les hommes qu'il aura choisis. Et je laisse libre, sans rançon, tous ceux des Juifs qui ont été emmenés captifs du pays de Juda dans tout mon royaume, et je les affranchis tous des tributs, même sur leurs bestiaux. Et que tous les jours solennels, les sabbats, les nouvelles lunes, les fêtes de prescription, les trois jours avant une fête solennelle et les trois jours après une fête solennelle, soient tous des jours d'immunité et de franchise pour tous les Juifs qui sont dans mon royaume. Et que personne n'ait le pouvoir de rien faire et de susciter des affaires contre quelqu'un d'entre eux en quelque cause que ce soit. De plus, on enrôlera des Juifs dans l'armée du roi jusqu'au nombre de 30 000 hommes, et ils seront entretenus comme doivent l'être toutes les armées du roi. Et on en choisira d'entre eux qui seront dans les forteresses du grand roi. Et on en établira quelques-uns sur les affaires du royaume qui sont traitées en confiance, et des chefs seront pris parmi eux. Et ils vivront selon leur loi, comme le roi l'a ordonné pour le pays de Juda. Et les trois villes de la province de Samarie, qui ont été annexés à la Judée, seront assimilés à la Judée, afin qu'elles ne dépendent que d'un seul, et qu'elles n'obéissent pas à une autre puissance que celle du grand prêtre. Je donne aussi Ptolémaïde et son territoire en don au sanctuaire de Jérusalem pour les dépenses nécessaires au sanctuaire. Et je donne, chaque année, 15 000 sicles d'argent sur les revenus du roi qui m'appartiennent. Tout ce qui reste et que n'ont pas payé ceux qui étaient préposés aux affaires pendant les années précédentes, ils le donneront pour les travaux du temple. Et en outre, les 5 000 sicles d'argent qui se prenaient chaque année sur les revenus du sanctuaire appartiendront aussi aux prêtres qui font les fonctions du ministère. Et tous ceux qui, étant redevables au roi en quelque affaire que ce soit, se réfugieront dans le temple de Jérusalem et dans tout son territoire, seront exonérés. Et ils auront la libre jouissance de tout ce qu'ils ont dans mon royaume. Les dépenses pour bâtir et restaurer les bâtiments du sanctuaire seront prélevées sur les revenus du roi. Pour construire les murs de Jérusalem et les fortifier tout autour, on prendra aussi sur les revenus du roi, de même pour élever des murailles en Judée. Lorsque Jonatas et le peuple entendirent ces paroles, ils ne les crurent pas et ne les reçurent pas. Car ils se souvinrent des grands maux qu'il avait faits en Israël et de quelle manière il les avait accablés. Mais ils se complurent dans Alexandre, parce qu'il leur avait tenu le premier des paroles de paix, et ils lui portèrent secours tous les jours. Le roi Alexandre rassembla une grande armée et marcha contre Démétrius. Les deux rois engagèrent le combat et l'armée de Démétrius s'enfuit. Alexandre le poursuivit et fondit sur eux. Et le combat fut très rude jusqu'à ce que le soleil fût couché. Et Démétrius fut tué en ce jour-là. Alexandre envoya des ambassadeurs à Ptolémée, roi d'Égypte, et lui fit parler en ces termes. « Comme je suis rentré dans mon royaume, que je suis assis sur le trône de mes pères, que j'ai recouvré mon empire, battu Démétrius et pris possession de notre pays, et que je lui ai livré bataille, et qu'il a été défait par nous avec son armée, et que nous nous sommes assis sur le siège de son royaume, faisons maintenant amitié l'un avec l'autre. Donne-moi ta fille pour épouse, et je serai ton gendre, et je te ferai, ainsi qu'à elle, des présents dignes de toi. » Le roi Ptolémée répondit en disant, « Heureux le jour où tu es rentré dans le pays de tes pères, et où tu t'es assis sur le trône de leur royaume. Et maintenant, je ferai ce que tu as écrit. Mais viens au-devant de moi, Ptolémaïs, afin que nous nous voyions mutuellement, et que je te donne ma fille, comme tu l'as dit. » Ptolémée sortit donc d'Égypte avec sa fille Cléopâtre, et vint à Ptolémaïs en l'année 162. Le roi Alexandre vint à sa rencontre, et Ptolémée lui donna Cléopâtre, sa fille. Et il célébra les noces à Ptolémaïs à la manière des rois, avec une grande magnificence. Le roi Alexandre écrivit aussi à Jonatas afin qu'il vînt au-devant de lui. Il alla avec magnificence à Ptolémaïs et il y rencontra les deux rois. Il leur donna beaucoup d'argent et d'or et des présents et il trouva grâce devant eux. Alors, quelques hommes pervers d'Israël s'assemblèrent contre lui, des hommes impies qui l'accusèrent, mais le roi ne les écouta pas. Et il ordonna qu'on dépouillât Jonatas de ses vêtements et qu'on le revêtît de pourpre. Ce qui fut fait. Et le roi le fit asseoir près de lui. Et il dit à ses princes, « Allez avec lui au milieu de la ville et publiez que personne ne porte aucune plainte contre lui et que personne ne lui fasse de peine pour quelque cause que ce soit. » Et il arriva que, lorsque ceux qui portaient plainte contre lui virent sa gloire qu'on publiait et la pourpre dont il était revêtu, ils s'enfuirent tous. Le roi l'éleva en grand honneur, l'inscrivit parmi ses principaux amis et l'établit chef et participant au gouvernement. Et Jonatas revint à Jérusalem en paix et avec joie. En la 165e année, Démétrius, fils de Démétrius, vint de Crète au pays de ses pères. Le roi Alexandre l'apprit et en fut très attristé. Et il retourna à Antioche. Le roi Démétrius institua général Apollonius qui gouvernait la Coélésirie. Et il rassembla une grande armée et il vint à Jamnia et envoya dire à Jonatas le grand prêtre ces paroles. « Seul tu nous résistes et je suis devenu un sujet de risée et d'opprobre parce que tu exerces le pouvoir contre nous dans les montagnes. Maintenant donc, si tu te confies dans tes forces, descends à nous dans la plaine et mesurons-nous-y ensemble. » Car avec moi est la valeur de la guerre. Interroge et apprends qui je suis, et quels sont ceux qui combattent avec moi. Eux aussi disent que votre pied ne pourrait tenir ferme devant notre face, car deux fois tes pères ont été mis en fuite dans leur pays. Et maintenant, comment pourras-tu résister à la cavalerie et à une si grande armée dans une plaine où il n'y a ni pierre, ni rocher, ni aucun lieu pour fuir ? Lorsque Jonatas eut entendu les paroles d'Apollonius, il fut ému dans son cœur. Et il choisit 10 000 hommes, et sortit de Jérusalem, et Simon son frère vint à son secours. Et ils campèrent près de Joppé, et on lui ferma la ville, parce qu'une garnison d'Apollonius était à Joppé, et il l'assiégea. Ceux qui étaient dans la ville, épouvantés, lui ouvrirent, et Jonatas se rendit maître de Joppé. Apollonius la prit, et s'approcha avec 3 000 cavaliers et une grande armée. Il marcha vers Azote, comme pour aller plus loin, et tout à coup, il se jeta dans la plaine parce qu'il avait une multitude de cavaliers et qu'il avait confiance en eux. Jonatas le suivit vers Azote et ils engagèrent la bataille. Apollonius avait laissé secrètement dans son camp 1 000 cavaliers derrière eux. Jonatas apprit qu'il y avait derrière lui une embuscade. Ils entourèrent son camp et lancèrent des traits contre le peuple depuis le matin jusqu'au soir. Mais le peuple demeura ferme, comme Jonatas l'avait ordonné, et leurs chevaux se fatiguèrent. Alors, Simon fit avancer son armée et attaqua l'infanterie, car les cavaliers étaient fatigués, et ils furent écrasés par lui et s'enfuirent. Et ceux qui se dispersèrent à travers la plaine s'enfuirent à Azoth et entrèrent dans le temple de Dagon, leur idole, pour s'y mettre en sûreté. Mais Jonathas brûla Azoth et les villes qui étaient alentour, et il prit leurs dépouilles, et il brûla par le feu le temple de Dagon avec tous ceux qui s'y étaient réfugiés. Et ceux qui tombèrent par l'épée, avec ceux qui furent brûlés, étaient environ 8000 hommes. Jonathas leva de là son camp et marcha contre Ascalon, et ceux de la ville sortirent au-devant de lui avec une grande magnificence. Jonathas revint ensuite à Jérusalem avec les siens, qui avaient de nombreuses dépouilles. Et il arriva que lorsque le roi Alexandre apprit ces choses, il accorda encore à Jonathas de plus grands honneurs. Et il lui envoya une agrafe d'or, comme c'est la coutume d'en donner aux parents des rois. Il lui donna de plus Acharon et tout son territoire pour qu'il la possédât en propre. Le roi d'Égypte assembla une armée, semblable au sable qui est sur le rivage de la mer, et un grand nombre de vaisseaux. Et il cherchait à s'emparer du royaume d'Alexandre par surprise, et à l'ajouter à son royaume. Il marcha contre la Syrie avec des paroles de paix, et on lui ouvrait les villes, et on venait au-devant de lui, car le roi Alexandre avait ordonné d'aller à sa rencontre, parce qu'il était son beau-père. Mais lorsque Ptolémée était entré dans une ville, il mettait une garnison de ses soldats dans chaque ville. Lorsqu'il se fut approché d'Azoth, on lui montra le temple de Dagon qui avait été brûlé par le feu, et Azoth avec ce qui en dépend tout en ruine, des cadavres épars et les tombeaux de ceux qui avaient été tués dans la guerre construits le long du chemin. Et ils racontèrent au roi que c'était Jonathas qui avait fait cela, voulant ainsi le rendre odieux. Mais le roi garda le silence. Jonathas vint au devant du roi à Joppé avec magnificence. Ils se saluèrent mutuellement et dormirent en ce lieu. Et Jonathas alla avec le roi jusqu'au fleuve qu'on nomme Éleuther. Puis il revint à Jérusalem. Le roi Ptolémée se rendit ainsi maître des villes jusqu'à Séleucie, la maritime, et il méditait de mauvais desseins contre Alexandre. Il envoya des ambassadeurs à Démétrius pour lui dire « Viens, faisons alliance ensemble, et je te donnerai ma fille qu'Alexandre a épousée, et tu régneras dans le royaume de ton père, car je me repens de lui avoir donné ma fille parce qu'il a cherché à me tuer. » Il l'accusait parce qu'il convoitait son royaume. Il lui enleva sa fille, et il la donna à Démétrius, et s'éloigna tout à fait d'Alexandre, et son inimitié devint manifeste. Ptolémée entra ensuite dans Antioche et se mit sur la tête deux diadèmes, celui d'Égypte et celui d'Asie. Le roi Alexandre était en Cilicie dans ce temps-là, parce que ceux qui étaient dans ces régions s'étaient révoltés. Alexandre apprit ces choses, et il s'avança pour le combattre. Le roi Ptolémée mit aussi son armée en mouvement, et vint au-devant de lui avec des troupes puissantes, et le mit en fuite. Alexandre s'enfuit en Arabie, pour y trouver quelque protection, et le roi Ptolémée fut élevé en gloire. Mais Zadiel, l'arabe, fit couper la tête d'Alexandre et l'envoya à Ptolémée. Le roi Ptolémée mourut 3 jours après, et ceux qui étaient dans les forteresses furent tués par ceux qui étaient dans le camp. Et Démétrius régna en la 167e année. En ces jours-là, Jonatas rassembla ceux qui étaient dans la Judée pour attaquer la citadelle de Jérusalem. Et ils dressèrent contre elle de nombreuses machines de guerre. Mais quelques hommes iniques qui haïssaient leur nation allèrent trouver le roi Démétrius et lui rapportèrent que Jonatas assiégeait la citadelle. Lorsqu'il l'eut appris, il fut irrité. Et il vint aussitôt à Ptolémaïs, et il écrivit à Jonatas de ne point assiéger la citadelle, mais de le rejoindre promptement pour conférer avec lui. Dès que Jonatas l'eut appris, il ordonna de continuer le siège, et il choisit quelques-uns des anciens d'Israël et des prêtres, et il s'exposa au péril. Il prit de l'or, et de l'argent, et des vêtements, et beaucoup d'autres présents, et se rendit auprès du roi à Ptolémaïs, et il trouva grâce devant lui. Quelques hommes iniques de sa nation lancèrent des plaintes contre lui. Mais le roi le traita comme l'avaient traité ses prédécesseurs, et il l'éleva en présence de tous ses amis. Il le confirma dans la souveraine sacrificature et dans tous les honneurs qu'il avait eus auparavant, et le fit le premier de ses amis. Jonatas lui demanda de donner l'immunité à la Judée, aux trois toparchies, à la Samarie et à son territoire. Et il lui promit 300 talents. Le roi y consentit, et il écrivit à Jonatas, touchant tout cela, des lettres conçues en ces termes. « Le roi Démétrius, à son frère Jonatas et à la nation des Juifs, salut. Nous vous avons envoyé une copie de la lettre que nous avons écrite à Lasthenès, notre père, relativement à vous, afin que vous en fussiez informés. Le roi Démétrius, à Lasthenès, son père, salut. Nous avons résolu de faire du bien à la nation des Juifs, qui sont nos amis et qui nous conservent la fidélité qu'ils nous doivent à cause de la bonne volonté qu'ils ont envers nous. Nous avons donc ordonné que tout le territoire de la Judée et les trois villes, Lydda et Ramatta, qui ont été annexées de la Samarie à la Judée, et toutes leurs dépendances, soient mises en réserve pour tous les prêtres de Jérusalem, au lieu de ce que le roi recevait d'eux auparavant chaque année, et des fruits de la terre et des arbres. Nous leur remettons aussi, dès à présent, les autres choses qui nous appartenaient, les dîmes et les tribus, et de même les impôts des salines et les couronnes qui nous étaient apportées. Nous leur donnons toutes ces choses, et rien de tout cela ne sera annulé dès à présent et à jamais. Maintenant donc, ayez soin de faire une copie de ces choses, et qu'elles soient données à Jonatas, et qu'elles soient placées sur la montagne sainte, en un lieu où elle soit vue de tous. » Le roi Démétrius, voyant que la terre se taisait en sa présence et que rien ne lui résistait, congédia toute son armée, chacun dans son pays, excepté l'armée étrangère qu'il avait levée dans les îles des nations, et toutes les armées de ses pairs devinrent ses ennemis. Or, Tryphon avait été auparavant du parti d'Alexandre, et voyant que toute l'armée murmurait contre Démétrius, il alla trouver Émalcuel, l'arabe, qui élevait Antiochus, fils d'Alexandre. Et il le pressait de le lui livrer, pour qu'il régnât à la place de son père. Et il lui rapporta tout ce qu'avait fait Démétrius, et la haine de ses armées contre lui, et il demeura là des jours nombreux. Alors Jonatas s'envoya vers le roi Démétrius, pour le prier de chasser ceux qui étaient dans la citadelle de Jérusalem et dans les forteresses, parce qu'ils attaquaient Israël. Et Démétrius envoya dire à Jonatas, « Non seulement je ferai ces choses pour toi et pour ta nation, mais je vous élèverai en gloire, toi et ta nation, lorsque le temps me le permettra. Tu feras donc bien maintenant d'envoyer des hommes à mon secours, parce que toute mon armée m'a abandonné. » Alors Jonatas lui envoya à Antioche 3000 hommes vaillants. Ils vinrent auprès du roi, et le roi eut une grande joie de leur arrivée. Ceux qui étaient de la ville s'assemblèrent au nombre de 120 000 hommes, et ils voulaient tuer le roi. Et le roi s'enfuit dans le palais, et ceux de la ville s'emparèrent des rues de la ville et commencèrent à combattre. Le roi appela les Juifs à son secours, et ils s'assemblèrent tous ensemble auprès de lui, et ils se répandirent dans la ville, et ils tuèrent en ce jour-là 100 000 hommes. Ils mirent aussi le feu à la ville, s'emparèrent ce jour-là d'un grand butin et délivrèrent le roi. Ceux de la ville virent que les Juifs s'étaient rendus maîtres de la ville, comme ils le voulaient, et ils furent découragés. Et ils crièrent au roi en lui faisant cette prière, « Donne-nous la main, et que les Juifs cessent de nous attaquer, ainsi que la ville. » Et ils jetèrent leurs armes et firent la paix. Les Juifs furent glorifiés en présence du roi et en présence de tous ceux qui étaient dans son royaume. Ils devinrent célèbres dans leur royaume et ils revinrent à Jérusalem chargés de dépouilles. Le roi Démétrius s'assit sur le trône de son royaume et la terre se tut en sa présence. Mais il mentit à tout ce qu'il avait dit. Il s'éloigna de Jonatas et il ne lui rendit pas selon les bienfaits qu'il en avait reçus, mais il l'affligea beaucoup. Après cela, Tryphon revint, et avec lui Antiochus, jeune enfant, qui régna et se mit le diadème sur la tête. Toutes les troupes que Démétrius avait congédiées s'assemblèrent auprès de lui, et elles combattirent contre Démétrius, et il s'enfuit et tourna le dos. Tryphon se saisit alors des éléphants et se rendit maître d'Antioche. Le jeune Antiochus écrivit ensuite à Jonatas en ces termes « Je te confirme dans le sacerdoce et je t'établis sur les quatre villes afin que tu sois des amis du roi. » Il lui envoya des vases d'or pour son service et lui donna le pouvoir de boire dans l'or, d'être vêtu de pourpre et de porter une agrafe d'or. Et il établit Simon, son frère, gouverneur depuis les limites de Tyr jusqu'aux frontières d'Égypte. Alors, Jonatas sortit et parcourut les villes d'au-delà du fleuve, et toute l'armée de Syrie se rassembla à son secours. Il vint à Ascalon, et ceux de la ville allèrent au-devant de lui pour lui faire honneur. Il alla de là à Gaza, et ceux qui étaient à Gaza s'enfermèrent. Il l'assiégea, et il brûla et pilla ce qui était autour de la ville. Alors les habitants de Gaza implorèrent Jonatas, et il leur donna la main droite. Il prit leur fils pour otage, et les envoya à Jérusalem, et il parcourut le pays jusqu'à Damas. Alors Jonatas apprit que les généraux de Démétrius l'attaquaient avec une armée nombreuse à Kadès, qui est en Galilée, voulant l'écarter des affaires du royaume. Et il marcha au-devant d'eux, et laissa son frère Simon dans la province. Simon mit le siège devant Bethsura, et il l'attaqua pendant des jours nombreux, et tint les habitants investis. Alors ils lui demandèrent à faire la paix, et il le leur accorda. Il les fit sortir hors de la ville, la prit, et y mit une garnison. Jonatas et son armée vinrent près de l'eau de Génézar, et avant le jour, ils pénétrèrent dans la plaine d'Azor. Et voici que l'armée des étrangers s'avançait dans la plaine et lui dressait des embûches sur les montagnes. Mais il marcha droit à eux. Alors, l'embuscade sortit de sa cachette et engagea le combat. Et tous ceux qui étaient du parti de Jonatas s'enfuirent, et il n'en demeura pas un seul, sinon Mattathias, fils d'Absalom, et Judas, fils de Calphi, chef de la milice de l'armée. Alors Jonatas déchira ses vêtements, se mit de la terre sur la tête et pria. Puis Jonatas retourna contre eux au combat et les mit en fuite après les avoir battus. Ceux de son parti qui avaient fui virent cela et revinrent auprès de lui. Et ils poursuivirent tous ensemble les ennemis jusqu'à leur camp à Kadès, et ils parvinrent jusque-là. Il tomba en ce jour-là 3000 hommes des étrangers, et Jonatas retourna à Jérusalem. Jonatas vit que le temps lui était favorable, et il choisit des hommes qu'il envoya à Rome pour affermir et renouveler l'amitié avec les Romains. Il envoya aussi aux Spartiates, et en d'autres lieux, des lettres dont la forme était la même. Ils allèrent à Rome, et entrèrent au Sénat, et dirent « Jonatas, grand prêtre et la nation des Juifs, nous ont envoyés pour que nous renouvelions l'amitié et l'alliance selon qu'elle a été faite auparavant. » Et les Romains leur donnèrent des lettres pour leurs officiers dans chaque région, afin qu'ils les fissent conduire en paix dans le pays de Juda. Voici la copie des lettres que Jonatas écrit aux Spartiates. « Jonatas, grand prêtre, les anciens de la nation, les prêtres et le reste du peuple juif, aux Spartiates leurs frères, salut. Il y a longtemps que des lettres ont été envoyées à Onias, le grand prêtre, par Arius qui régnait chez vous, car vous êtes nos frères, comme le montre la copie qui est jointe ici. Et Onias accueillit avec honneur l'homme qui avait été envoyé, et il reçut les lettres où il était parlé d'alliance et d'amitié. Et nous, quoique nous n'eussions pas besoin de ces choses, ayant pour consolation les saints livres qui sont entre nos mains, nous avons mieux aimé envoyer vers vous pour renouveler la fraternité et l'amitié, de peur que nous ne vous devenions étrangers, car il s'est écoulé beaucoup de temps depuis que vous avez envoyé vers nous. Nous dont, sans cesse en tout temps, aux jours solennels et aux autres jours où cela est nécessaire, nous nous souvenons de vous dans les sacrifices que nous offrons et dans nos cérémonies, selon qu'il est du devoir et de la bienséance de se souvenir de ses frères. Nous nous réjouissons donc de votre gloire. Mais pour nous, beaucoup de tribulations et beaucoup de combats nous ont entourés, et les rois qui sont autour de nous nous ont attaqués. Cependant, nous n'avons voulu être à charge ni à vous, ni à nos autres alliés et amis dans ces combats. Car nous avons reçu du secours du ciel, et nous avons été délivrés, et nos ennemis ont été humiliés. C'est pourquoi nous avons choisi Numénius, fils d'Antiochus, et Antipater, fils de Jason, et nous les avons envoyés vers les Romains pour renouveler avec eux l'amitié et l'alliance antérieure. Nous leur avons aussi ordonné d'aller auprès de vous, de vous saluer et de vous porter nos lettres relatives au renouvellement de notre fraternité. Et maintenant, vous ferez bien de nous répondre au sujet de ces choses. Voici la copie de la lettre qu'Arius avait envoyée à Onias. Arius, roi des Spartiates, au grand prêtre Onias, salut. Il a été trouvé dans un écrit qui concerne les Spartiates et les Juifs qu'ils sont frères et qu'ils sont de la race d'Abraham. Et maintenant, depuis que nous avons connu ces choses, vous faites bien de nous écrire au sujet de votre prospérité. Mais nous aussi nous vous avons répondu. Nos bestiaux et nos biens sont à vous, et les vôtres sont à nous. Nous avons donc ordonné que cela vous soit déclaré. Cependant, Jonatas apprit que les généraux de Démétrius étaient revenus avec une armée beaucoup plus grande qu'auparavant pour combattre contre lui. Et il sortit de Jérusalem et alla au-devant d'eux dans le pays d'Amatis, car il ne leur donna pas le temps d'entrer sur ses terres. Et il envoya des espions dans leur camp, et de retour, ils rapportèrent qu'ils avaient résolu de le surprendre pendant la nuit. Après donc que le soleil fut couché, Jonatas ordonna aux siens de veiller et de se tenir toute la nuit sous les armes, prêts à combattre. Et il mit des gardes autour du camp. Les ennemis apprirent que Jonatas était prêt avec les siens pour le combat, et ils craignirent et furent saisis d'effroi dans leur cœur. Ils allumèrent des feux dans leur camp. Mais Jonatas et ceux qui étaient avec lui ne s'en aperçurent pas jusqu'au matin, car ils voyaient les feux allumés. Jonatas les poursuivit, mais il ne les atteignit pas, car ils avaient passé le fleuve et le terre. Jonatas marcha de là vers les Arabes, qui sont appelés Abadéens, il les frappa et prit leurs dépouilles. Puis il partit et vint à Damas, et il parcourait toute cette contrée. Cependant, Simon était sorti et était venu jusqu'à Ascalon et aux forteresses voisines. Il marcha de là vers Joppé et s'en empara, car il avait appris qu'on voulait livrer la place à ceux du parti de Démétrius, et il y mit une garnison pour la garder. Jonatas revint et assembla les anciens du peuple, et il résolut avec eux de bâtir des forteresses dans la Judée, de bâtir aussi des murs dans Jérusalem, et d'élever un mur d'une grande hauteur entre la citadelle et la ville, pour la séparer de la ville afin qu'elle fût isolée et qu'on ne pût ni y acheter ni y vendre. Ils s'assemblèrent donc pour bâtir la ville, et le mur qui était au-dessus du torrent, du côté du soleil levant, tomba, et Jonatas le rétablit. Il s'appelait Caphetéta. Simon bâtit aussi Adiada dans la Céphéla, il la fortifia, et y mit des portes et des serrures. Mais comme Tryphon avait résolu de régner en Asie, de prendre le diadème et d'étendre la main sur le roi Antiochus, craignant que Jonatas ne l'en empêchât et ne combattît contre lui, il cherchait à se saisir de lui et à le tuer. Se levant donc, il alla à Bethsan. Jonatas sortit au-devant de lui pour le combattre avec 40 000 hommes choisis et vint à Beth-San. Lorsque Tryphon vit que Jonatas était venu avec une armée nombreuse pour étendre la main sur lui, il eut peur, et il le reçut avec honneur, le recommanda à tous ses amis, lui fit des présents, et ordonna à son armée de lui obéir comme à lui-même. Et il dit à Jonatas, « Pourquoi as-tu fatigué tout ce peuple, puisque nous n'avons pas de guerre ensemble ? Renvoie-les donc maintenant dans leur maison. » Mais choisis-en quelques-uns pour être avec toi, et viens avec moi à Ptolémaïs, et je te la livrerai, ainsi que les autres forteresses, et l'armée, et tous ceux qui sont préposés aux affaires, puis je m'en retournerai, car c'est pour cela que je suis venu. » Jonatas le crut, et fit comme il avait dit. Il renvoya les troupes, et elles s'en retournèrent dans le pays de Juda. Il retint cependant avec lui 3 000 hommes, dont il renvoya 2 000 en Galilée, et 1 000 vinrent avec lui. Mais dès que Jonatas fut entré dans Ptolémaïs, les habitants de la ville fermèrent les portes et le prirent, et ils tuèrent par le glaive tous ceux qui étaient entrés avec lui. Tryphon envoya une armée et des cavaliers en Galilée et dans la grande plaine pour tuer tous les compagnons de Jonatas. Mais ceux-ci, ayant su que Jonatas avait été pris et qu'il avait péri avec tous ceux qui étaient avec lui, s'encouragèrent les uns les autres et sortirent prêts à combattre. Ceux qui les avaient poursuivis, voyant qu'ils se battaient pour leur vie, s'en retournèrent. Ainsi, ils revinrent tous en paix dans le pays de Juda. On pleura beaucoup Jonatas et ceux qui étaient avec lui, et Israël en fit un grand deuil. Alors, toutes les nations qui étaient autour d'eux cherchèrent à les écraser, car elles disaient, « Ils n'ont ni chef, ni auxiliaire. Attaquons-les donc maintenant et effaçons leur mémoire parmi les hommes. » Cependant, Simon apprit que Tryphon avait rassemblé une armée nombreuse pour venir dans le pays de Juda et le ravager. Voyant que le peuple était dans la crainte et dans l'effroi, il monta à Jérusalem et assembla le peuple. Et il les exhorta en disant, « Vous savez quel grand combat nous avons livré, moi et mes frères, et toute la maison de mon père pour les lois et pour le sanctuaire, et quelles angoisses nous avons vues. C'est à cause de cela que tous mes frères ont péri pour Israël, et je suis demeuré seul. Et maintenant, à Dieu ne plaise que je veuille épargner ma vie dans tout ce temps de tribulation, car je ne suis pas meilleur que mes frères. Je vengerai donc ma nation et le sanctuaire, nos enfants aussi et nos femmes, car toutes les nations se sont assemblées pour nous écraser à cause de leur haine. » L'esprit du peuple fut enflammé dès qu'il eut entendu ces paroles. Et ils répondirent à haute voix en disant, « Tu es notre chef à la place de Juda et de Jonatas, ton frère. Livre notre combat, et tout ce que tu nous diras, nous le ferons. » Alors, rassemblant tous les hommes de guerre, il se hâta de rebâtir tous les murs de Jérusalem et la fortifia tout autour. Puis il envoya Jonatas, fils d'Absalom, à Joppé, et avec lui une nouvelle armée. Et, après qu'il en eut chassé tous ceux qui étaient dedans, il y demeura lui-même. Cependant, Tryphon partit de Ptolémaïs avec une armée nombreuse pour venir dans le pays de Juda, et Jonatas était avec lui comme prisonnier. Simon s'établit à Adus en face de la plaine. Dès que Tryphon eut appris que Simon s'était levé à la place de son frère Jonatas et se disposait à lui livrer bataille, il lui envoya des messagers pour lui dire « C'est à cause de l'argent que ton frère Jonatas devait au roi, à cause des affaires dont il a eu la conduite, que nous l'avons détenu. Et maintenant, envoie 100 talents d'argent et ses 2 fils comme otages, afin que, mis en liberté, il ne s'enfuit pas loin de nous, et nous le renverrons. » Simon reconnut qu'il lui parlait ainsi pour le tromper. Il ordonna néanmoins de lui livrer l'argent et les enfants, de peur d'attirer sur lui une grande haine de la part du peuple d'Israël qui dirait « Parce qu'on n'a pas envoyé l'argent et les enfants, c'est pour cela qu'il a péri. » Il envoya donc les enfants et les 100 talents, et Tryphon manqua sa parole, et ne renvoya pas Jonatas. Après cela, Tryphon vint dans le pays pour le ravager, et ils tournèrent par le chemin qui conduit à Hador. Mais Simon et son armée les suivaient par tous les lieux où ils allaient. Alors, ceux qui étaient dans la citadelle envoyèrent des messagers à Tryphon pour qu'il se hâtât de venir par le désert et qu'il leur envoyât des vivres. Tryphon tint toute la cavalerie prête pour venir cette nuit même. Mais il y avait une grande quantité de neige et il n'alla pas au pays de Galaad. Et lorsqu'il fut proche de Bescamon, il tua là Jonatas et ses fils. Ensuite, Tryphon se retourna et s'en alla dans son pays. Alors, Simon envoya recueillir les ossements de son frère Jonatas et il les ensevelit à Modin, la ville de ses pères. Tout Israël fit un grand deuil à son sujet, et ils le pleurèrent pendant des jours nombreux. Simon éleva sur le sépulcre de son père et de ses frères un édifice qu'on voyait de loin, dont les pierres étaient polies par devant et par derrière. Et il dressa 7 pyramides, l'une en face de l'autre, pour son père, sa mère et ses 4 frères. Et il plaça autour d'elle de grandes colonnes, et sur les colonnes, des armes pour servir de monuments éternels. Et auprès des armes, des navires sculptés pour être vus par tous ceux qui naviguaient sur la mer. C'est là le sépulcre qu'il fit à Modin et que l'on voit encore. Or Tryphon, étant en voyage avec le jeune roi Antiochus, le tua par trahison. Et il régna à sa place et se mit sur la tête le diadème d'Asie. Et il fit de grands maux dans le pays. Cependant Simon rebâtit les forteresses de la Judée, les munissant de hautes tours, de grandes murailles, de portes et de serrures, et il plaça des vivres dans les forteresses. Simon choisit aussi des hommes et les envoya auprès du roi Démétrius, afin qu'il accordât des franchises à la Judée, car tous les actes de Tryphon avaient été accomplis avec violence. Le roi Démétrius répondit à cette demande et lui écrivit la lettre suivante. « Le roi Démétrius à Simon, grand prêtre et ami des rois, et aux anciens et à la nation des Juifs, salut. Nous avons reçu la couronne d'or et la palme que vous nous avez envoyée, et nous sommes disposés à faire avec vous une paix parfaite, et d'écrire aux intendants du roi qu'ils vous fassent les remises que nous avons accordées. Car tout ce que nous avons ordonné en votre faveur demeurera ferme. Les forteresses que vous avez bâties seront à vous. Nous faisons aussi remise des fautes et des délits commis jusqu'à aujourd'hui et de la couronne que vous deviez. Et s'il y avait quelque autre chose d'imposé dans Jérusalem, qu'elle ne soit plus imposée désormais. Et si quelques-uns d'entre vous sont propres à être enrôlés dans nos troupes, qu'ils soient enrôlés et que la paix soit entre nous. » En l'année 170e, le joug des nations fut enlevé de dessus Israël. Et le peuple d'Israël commença à écrire sur les tables et les registres publics la première année sous Simon, souverain prêtre, grand chef et prince des Juifs. En ces jours-là, Simon marcha sur Gaza, l'investit avec son armée, fit des machines, s'approcha de la ville, attaqua une tour et s'en empara. Ceux qui étaient dans une de ces machines firent irruption dans la ville et il y eut un grand tumulte dans la ville. Et ceux qui étaient dans la ville montèrent sur les murailles avec leurs femmes et leurs enfants ayant leurs tuniques déchirées, et ils crièrent à haute voix, demandant à Simon qu'il leur donnât la main, et disant « Ne nous traite pas selon notre malice, mais selon tes miséricordes. » Simon, apaisé, cessa de les combattre. Il les chassa cependant de la ville, et il purifia les maisons où il y avait eu des idoles. Et ensuite, il y fit son entrée au chant des hymnes en bénissant le Seigneur. Et après qu'il en eut enlevé toute impureté, il y établit des hommes qui pratiquaient la loi. Il la fortifia et y établit sa demeure. Or, ceux qui étaient dans la citadelle de Jérusalem étaient empêchés de sortir et d'entrer dans le pays, et d'acheter et de vendre, et ils eurent très faim. Et beaucoup d'entre eux moururent par la famine. Alors, ils crièrent vers Simon de leur donner la main, et il la leur donna. Puis il les chassa de là et purifia la citadelle de toute souillure. Ils y entrèrent ensuite, le 23e jour du second mois, l'an 171, avec des chants de louanges, des branches de palmiers, des harpes, des cymbales et des lyres, des hymnes et des cantiques, parce qu'un grand ennemi avait été exterminé d'Israël. et il ordonna que tous les ans, ces jours seraient célébrés avec réjouissance. Il fortifia aussi la montagne du temple, qui était près de la citadelle, et il y habita, ainsi que ceux qui étaient avec lui. Ensuite, Simon vit que Jean, son fils, était un vaillant homme de guerre, et il l'établit chef de toutes les troupes, et il habita à Gazara. En la 172e année, le roi Démétrius assembla son armée et s'en alla en Médie pour y chercher du secours afin d'attaquer Tryphon. Et Arsacès, roi de Perse et de Médie, apprit que Démétrius était entré sur ses frontières et envoya l'un de ses princes pour le prendre vif et le lui amener. Et celui-ci alla et défit l'armée de Démétrius, le prit et le mena à Arsacès qui le mit en prison. Tout le pays de Juda demeura en paix tous les jours de Simon. Il chercha le bien de sa nation, et sa puissance et sa gloire furent agréables aux Juifs durant tous ses jours. Outre toutes ses actions glorieuses, il prit Joppé pour servir de port, et il en fit une entrée pour aller aux îles de la mer. Il étendit les limites de sa nation et se rendit maître du pays. Il rassembla de nombreux prisonniers, il s'empara de Gazara, de Betsura et de la citadelle, et il en enleva les impuretés. Et il n'y avait personne qui lui résista. Chacun cultivait sa terre en paix, le pays de Juda donnait ses fruits, et les arbres des champs leurs fruits. Tous les vieillards étaient assis dans les places publiques et s'entretenaient des biens du pays. Les jeunes gens se revêtaient de gloire et d'habits de guerre. Il distribuait des vivres aux villes et il en faisait des places fortes, de sorte que son nom devint célèbre jusqu'aux extrémités de la terre. Il établit la paix dans le pays et Israël se réjouit d'une grande joie. Chacun était assis sous sa vigne et sous son figuier et il n'y avait personne qui les effrayât. Ceux qui les attaquaient disparurent du pays. Les rois furent écrasés en ces jours-là. Il fortifia tous les pauvres de son peuple, il rechercha la loi, et il extermina tous les injustes et les méchants. Il glorifia le sanctuaire et y multiplia les vases saints. Or, on apprit à Rome et jusque chez les Spartiates que Jonatas était mort, et ils en furent très affligés. Mais lorsqu'ils apprirent que Simon, son frère, avait été fait grand prêtre à sa place et qu'il était maître de tout le pays et de ses villes, ils lui écrivirent sur des tables d'airain pour renouveler l'amitié et l'alliance qu'ils avaient faite avec Juda et Jonatas, ses frères. Et elles furent lues à Jérusalem en présence de l'assemblée. Et voici la copie des lettres que les Spartiates envoyèrent. « Les princes et les villes des Spartiates à Simon, grand prêtre, aux anciens, aux prêtres, et au reste du peuple des Juifs, leurs frères, salut. Les ambassadeurs qui ont été envoyés à notre peuple nous ont informés de votre gloire, de votre honneur et de votre joie, et nous nous sommes réjouis de leur arrivée. Et nous avons écrit ce qui a été dit par eux dans les assemblées du peuple en ces termes. Numénius, fils d'Antiochus, et Antipater, fils de Jason, délégués des Juifs, sont venus auprès de nous pour renouveler avec nous l'ancienne amitié. Et il a plu au peuple de recevoir ces hommes avec honneur et de placer une copie de leurs paroles dans les registres spéciaux du peuple, afin qu'elles soient un mémorial pour le peuple de Sparte. Et nous en avons écrit une copie à Simon, grand prêtre. Après cela, Simon envoya à Rome Numénius avec un grand bouclier d'or, du poids de 1000 mines, pour contracter alliance avec eux. Or, lorsque le peuple romain eut entendu ces paroles, il dit « Quelles actions de grâce rendrons-nous à Simon et à ses fils ? Car il a rétabli ses frères, et il a exterminé d'Israël ses ennemis. Ils lui confirmèrent son indépendance, et ils écrivirent cela sur des tables d'airain qu'ils placèrent sur des colonnes sur la montagne de Sion. Voici la copie de cet écrit. Le 18e jour du mois d'Elul, l'an 172, la 3e année sous Simon, grand prêtre, à Azaramel, dans une grande assemblée des prêtres et du peuple, des princes de la nation et des anciens du pays, cette déclaration a été faite. Comme beaucoup de combats ont été livrés dans notre pays, Simon, fils de Mattathias, des fils de Jarib et ses frères, se sont livrés au péril et ont résisté aux ennemis de leur nation pour soutenir leur sanctuaire et leur loi. Et ils ont glorifié leur nation par une grande gloire. Jonathas a rassemblé sa nation et il est devenu leur grand prêtre et il a été réuni à son peuple. Leurs ennemis ont voulu fouler aux pieds et écraser leur pays et tendre les mains sur leur sanctuaire. Alors Simon a résisté, il a combattu pour son peuple, il a distribué beaucoup d'argent, il a armé les hommes vaillants de sa nation et leur a donné une solde. Il a fortifié les villes de Judée et Betsura, qui était sur les frontières de la Judée, où les armes des ennemis avaient été auparavant. Et il y a mis une garnison de soldats juifs. Il a fortifié Joppé, situé sur la mer, et Gazara, qui est sur les frontières d'Azote, où les ennemis demeuraient auparavant. Il y a mis des juifs et les a pourvus de tout ce qui convenait pour leur défense. Le peuple a vu la conduite de Simon et la gloire qu'il songeait à acquérir pour sa nation. Et ils l'ont établi leur chef et prince des prêtres, parce qu'il avait fait toutes ces choses, qu'il avait conservé la justice et la fidélité envers sa nation et qu'il avait cherché par tous les moyens à exalter son peuple. Et durant ces jours, les affaires prospérèrent entre ses mains, de sorte que les nations furent bannies du pays, ainsi que ceux qui étaient dans la ville de David, à Jérusalem, dans la citadelle, d'où ils sortaient et profanaient tout aux environs du sanctuaire, et faisaient une grande plaie à sa pureté. Il y établit des juifs pour la sécurité de la contrée et de la ville, et il releva les murs de Jérusalem. Le roi Démétrius l'a confirmé dans le souverain sacerdoce. En même temps, il l'a déclaré son ami, et l'a glorifié d'une grande gloire. Car il avait appris que les Romains avaient appelé les Juifs leurs amis, leurs alliés et leurs frères, et qu'ils avaient reçu avec honneur les ambassadeurs de Simon, et que les Juifs et leurs prêtres avaient consenti à ce qu'il fût leur chef et leur souverain prêtre pour toujours, jusqu'à ce qu'il se levât un prophète fidèle, et à ce qu'il fût leur chef, qu'il prit soin des choses saintes, qu'il établit des intendants sur leurs ouvrages, sur la contrée, sur les armes et sur les garnisons, qu'il prit soin des choses saintes, que tous lui obéissent, que tous les actes fussent écrits en son nom dans le pays et qu'il fût vêtu de pourpre et d'or. Qu'il ne fût permis à personne du peuple et des prêtres de violer aucune de ces choses, ni de contredire à ce qu'il aurait ordonné, ni de convoquer une assemblée sans lui dans la contrée, ni de se vêtir de pourpre et de porter une agrafe d'or. Et quiconque agirait contre ces ordonnances ou en violerait quelque chose serait coupable. Et il plut à tout le peuple d'établir Simon dans cette autorité et d'agir selon ses paroles. Simon accepta, et il lui plut d'exercer le souverain sacerdoce et d'être chef et prince de la nation des Juifs et des prêtres, et de commander à tous. Il fut ordonné que ce document serait écrit sur des tables d'airain et placé dans la galerie du sanctuaire, dans un lieu exposé à la vue, et qu'on en mettrait une copie dans le trésor pour servir à Simon et à ses enfants. Alors le roi Antiochus, fils de Démétrius, envoya des îles de la mer des lettres à Simon, grand prêtre et prince de la nation des Juifs, et à toute la nation. Et voici quel était leur contenu. Le roi Antiochus à Simon, grand prêtre, et à la nation des Juifs, salut. Parce que des pervers se sont emparés du royaume de nos pères, je veux le revendiquer et le rétablir comme il était auparavant. C'est pourquoi j'ai levé une nombreuse armée d'élite et construit des vaisseaux de guerre. Je veux entrer dans la contrée pour me venger de ceux qui ont ravagé notre pays et qui ont désolé des villes nombreuses dans mon royaume. Je te remets donc maintenant tous les tributs que tous les rois mes prédécesseurs t'ont remis et je te confirme dans toutes les autres immunités qu'ils t'ont accordées. Je te permets de faire battre monnaie à ton coin dans ton pays. J'ordonne que Jérusalem soit une ville sainte et libre, et que toutes les armes qui ont été fabriquées et les forteresses que tu as construites et que tu occupes demeurent en ta possession. Toutes les redevances envers le roi et tout ce qui appartiendra au roi te sont remis depuis ce temps et pour toujours. Et lorsque nous aurons reconquis notre royaume, nous te glorifierons d'une grande gloire, toi et ta nation et le temple, de sorte que votre gloire sera manifestée dans toute la terre. » En la 174e année, Antiochus entra dans le pays de ses pères, et toutes les armées se réunirent auprès de lui, de sorte que très peu d'hommes demeurèrent avec Tryphon. Le roi Antiochus le poursuivit, et il vint à Dora en fuyant le long de la mer, car il savait que les malheurs étaient accumulés sur lui, l'armée l'ayant abandonné. Antiochus vint camper au-dessus de Dora avec 120 000 hommes de guerre et 8 000 cavaliers. Et il investit la ville, et les vaisseaux s'approchèrent du côté de la mer. Il pressait la ville par terre et par mer, et il ne permettait à personne d'entrer ou de sortir. Cependant, Numénius et ceux qui étaient avec lui revinrent de Rome, ayant des lettres écrites au roi et aux contrées qui contenaient ce qui suit. Lucius, consul des Romains, au roi Ptolémée, salut. Les ambassadeurs des Juifs, nos amis, sont venus vers nous pour renouveler l'amitié et l'alliance antérieure envoyée par Simon, prince des prêtres, et par le peuple des Juifs. Ils ont aussi apporté un bouclier d'or de 1000 mines. Il nous a donc plu d'écrire au roi et aux contrées pour qu'ils ne leur fassent aucun mal, qu'ils n'attaquent ni eux, ni leur ville, ni leur pays, et qu'ils ne portent pas secours à ceux qui combattent contre eux. Or, il nous a paru bon de recevoir d'eux le bouclier. Si donc quelques pervers de leur pays se sont réfugiés chez vous, livrez-les à Simon, prince des prêtres, afin qu'il se venge d'eux selon la loi. » Les mêmes choses furent écrites au roi Démétrius, à Attal, à Ariarathès, à Arsacès, et dans toutes les contrées, à Lampsac, aux Spartiates, à Délos, à Minde, à Sicyone, en Carie, à Samos, en Pamphylie, en Lycie, à Halicarnasse, à Cos, à Sid, à Aradon, à Rhodes, à Phaselis, à Gortine, à Gnide, en Chypre et à Cyrène. Et ils en écrivirent une copie pour Simon, prince des prêtres, et pour le peuple des Juifs. Le roi Antiochus mit une seconde fois le siège devant Dora, la serrant toujours de plus près et construisant des machines, et il y enferma Tryphon pour l'empêcher de sortir. Alors Simon envoya à son secours 2000 hommes d'élite avec de l'argent et de l'or et des vases précieux. Mais il ne voulut pas les recevoir, et il rompit tout ce qu'il avait conclu avec lui auparavant et se sépara de lui. Il lui envoya ensuite Athénobius, un de ses amis, pour traiter avec lui et lui dire « Vous occupez Joppé, Gazara et la citadelle de Jérusalem, qui sont des villes de mon royaume. Vous en avez désolé les environs, vous avez fait un grand ravage dans le pays et vous vous êtes emparé de nombreuses localités dans mon royaume. Maintenant donc, rendez les villes que vous avez occupées et les tribus de localités où vous avez dominé hors des frontières de la Judée. Sinon, donnez pour les villes 500 talents d'argent et pour les dégâts que vous avez faits et pour les tribus des villes 500 autres talents. Autrement, nous viendrons et nous vous attaquerons. » Athénobius, l'ami du roi, vint donc à Jérusalem et il vit la gloire de Simon, l'or et l'argent qui brillaient chez lui et sa magnificence extraordinaire. Et il en fut étonné et il lui rapporta les paroles du roi. Simon lui répondit en ces termes, « Nous n'avons pas pris le pays d'un autre, et nous ne retenons pas le bien d'autrui, mais l'héritage de nos pères, qui a été possédé injustement par nos ennemis pendant quelque temps. Trouvant le temps favorable, nous revendiquons l'héritage de nos pères. Quant à ce que tu réclames touchant Joppé et Gazara, c'était elle-même qui causait de grands maux parmi le peuple et dans notre contrée. Cependant, nous donnerons 100 talents pour elle. » Athénobius ne lui répondit pas un mot. Mais il revint irrité auprès du roi, et il lui rapporta ses paroles, et la gloire de Simon, et tout ce qu'il avait vu, et le roi entra dans une grande colère. Cependant, Tryphon s'enfuit sur un vaisseau à Orthosias. et le roi établit Sandébé, chef du littoral, et lui donna une armée de fantassins et de cavaliers. Et il lui ordonna de faire avancer ses troupes contre la Judée. Et il lui ordonna de bâtir Gédor, de fermer les portes de la ville et de réduire le peuple par les armes. Cependant, le roi poursuivait Tryphon. Sandébé arriva à Jamnia et commença à irriter le peuple, à ravager la Judée, à faire le peuple prisonnier et à le tuer, et à fortifier Gédor. Et il mit là des cavaliers et des fantassins, afin que, faisant des sorties, ils parcourussent les routes de la Judée, selon que le roi le lui avait commandé. Jean monta de Gazara et annonça à Simon, son père, tout ce que Sandébé avait fait contre leur peuple. Et Simon appela ses deux fils aînés, Judas et Jean, et leur dit, « Moi et mes frères et la maison de mon père, nous avons combattu contre les ennemis d'Israël depuis notre jeunesse jusqu'à ce jour, et nos mains ont quelquefois réussi à délivrer Israël. Et maintenant, je suis vieux, mais prenez ma place et celle de mes frères, et allez combattre pour notre nation, et que le secours du ciel soit avec vous. » Il choisit dans la contrée 20 000 hommes de guerre et des cavaliers, puis ils marchèrent contre Sandébé et passèrent la nuit à Modin. Ils se levèrent le matin et allèrent dans la plaine, et voici qu'une armée nombreuse de fantassins et de cavaliers vint au-devant d'eux, et un torrent était entre eux. Il se plaça en face d'eux avec ses troupes, lui et son peuple, et voyant que le peuple craignait de passer le torrent, il passa le premier. Ses hommes le virent et passèrent après lui. Il divisa le peuple et plaça les cavaliers au milieu des fantassins. La cavalerie des ennemis était tout à fait nombreuse. Ils firent retentir les trompettes sacrées et Sandébé fut mis en fuite avec ses troupes. Beaucoup d'entre eux tombèrent frappés et le reste s'enfuit dans la forteresse. Judas, frère de Jean, fut alors blessé. Mais Jean les poursuivit jusqu'à ce qu'il arriva à Cédron, que Sandébé avait bâti. Ils s'enfuirent jusqu'aux tours qui étaient dans les champs d'Azote, et il les brûla par le feu, et 2000 hommes d'entre eux tombèrent. Et Jean retourna en paix dans la Judée. Or, Ptolémée, fils d'Abobus, avait été établi gouverneur de la plaine de Jéricho, et il avait beaucoup d'argent et d'or, car il était gendre du grand prêtre. Son cœur s'enorgueillit, et il voulait se rendre maître de la contrée, et il méditait une trahison contre Simon et ses fils pour se défaire d'eux. Or Simon, qui parcourait les villes situées dans le pays de la Judée et qui était plein de sollicitude pour elle, descendit à Jéricho, lui et Mattathias, son fils, et Judas, l'an 177, le 11e mois, qui est celui de Sabbat. Le fils d'Abobus les reçut avec un dessein perfide dans une petite forteresse appelée Doc qu'il avait bâtie, et il leur fit un grand festin, et il tint là des hommes cachés. Et lorsque Simon et ses fils furent enivrés, Ptolémée se leva avec les siens, et ils prirent leurs armes, entrèrent dans la salle du festin, et le tuèrent, ainsi que ses deux fils et quelques-uns de ses serviteurs. Il commit une grande perfidie dans Israël, et rendit le mal pour le bien. Ptolémée écrivit cela au roi et lui manda de lui envoyer une armée pour le secourir et de lui livrer la contrée et ses villes et le tribut. Il envoya d'autres affidés à Gazara pour tuer Jean. Et il envoya des lettres aux tribuns pour qu'ils vinssent à lui et qu'il leur donna de l'argent et de l'or et des présents. Il en envoya d'autres pour occuper Jérusalem et la montagne du Temple. Mais un homme, les ayant prévenus, annonça à Jean, à Gazara, que son père et ses frères avaient péri et qu'il a envoyé des gens pour le tuer aussi. Dès qu'il l'apprit, il fut extrêmement effrayé et il se saisit de ceux qui étaient venus pour le perdre, et il les mit à mort, car il reconnut qu'il cherchait à le perdre. Le reste des œuvres de Jean, et de ses guerres, et des grands exploits qu'il accomplit avec vaillance, et de la construction des murailles qu'il bâtit, et de ses entreprises, voici, ces choses sont écrites au livre des annales de son sacerdoce, depuis le temps où il fut établi prince des prêtres après son père.